RTL. Il est 16h. Les infos, Mélina Fachin. Bonjour à tous. Édouard Philippe et ses ministres sont en ce moment face aux députés. Séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Et évidemment, on ne parle que d'Alexandre Benalla. C'est le président du groupe Les Républicains, Christian Jacob, qui a pris la parole en premier. Édouard Philippe lui a répondu en insistant sur la rapidité avec laquelle il a réagi depuis le début de l'affaire mercredi soir. Une enquête a été commandée par le ministre de l'Intérieur à l'IGPN. Une enquête préliminaire puis une information judiciaire ont été engagées par le procureur de Paris. Elles ont donné lieu à des gardes à vue et à 5 mises en examen ainsi qu'à l'audition notamment du directeur de cabinet de Monsieur le Président de la République. Une commission d'enquête à l'Assemblée nationale et une commission d'enquête au Sénat ont été décidées et les auditions de ces commissions d'enquête ont commencé. Tout cela, Monsieur le Président Jacob, en moins d'une semaine. Je pense, Monsieur le Président Jacob, compte tenu de votre expérience, vous savez que cette réaction est rare. Cette célérité et cette intensité de réaction est rare. Le Premier ministre a réaffirmé que la polémique autour d'Alexandre Benalla était une dérive individuelle, pas une affaire d'État. Il a eu droit à plusieurs standing ovations dans les rangs en marge de l'hémicycle et à beaucoup de huées du côté de l'opposition. Dans une demi-heure, la commission des lois de l'Assemblée va poursuivre ses auditions, à commencer par celle du directeur de cabinet de l'Élysée, Patrick Strauda. Ce sera ensuite au tour de la directrice de la police des polices, l'IGPN, puis le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur. Après l'Assemblée hier, Gérard Collomb va être à nouveau interrogé tout à l'heure, cette fois-ci par la commission des lois du Sénat. À noter également ce geste fort mais purement symbolique, le groupe Les Républicains de l'Assemblée va déposer dans les prochains jours une motion de censure contre le gouvernement. Elle n'aboutira jamais à sa démission, mais c'est une preuve, s'il en fallait encore, que l'opposition est très remontée. On file sur la route du Tour de France. RTL Tour de France 2018. 16e étape aujourd'hui entre Carcassonne et Bagnères-de-Luchon. Et ça grimpe en ce moment, Christian Olivier. Ça grimpe et ça descend parfois. Et quand ça descend, c'est également dangereux. C'est à 15h35 sur l'antenne de RTL que vous avez pu vivre en direct la chute extrêmement spectaculaire du Belge Philippe Gilbert, qui est passé par-dessus un parapet dans la descente du Porté d'Aspé. Il a mal négocié son virage sur la gauche. Il a fait un tout droit. Il est tombé dans le ravin, mais ralenti par des arbres et par des buissons. Grosse frayeur, chute spectaculaire et surtout souvenir malheureusement de cette descente en 1995 où Fabio Casartelli, quasiment pratiquement pas tout à fait au même endroit, avait malheureusement trouvé la mort. Donc grosse frayeur pour le Belge Philippe Gilbert, qui a pu remonter avec l'aide des médecins sur sa bicyclette alors qu'il était en tête de cette étape. Et espérons que pour Philippe Gilbert tout va bien, qu'il pourra au moins rallier évidemment Bagnères-de-Luchon sans encombre. Mais c'est un ouf de soulagement pour le coureur belge après cette énorme frayeur que vous avez pu lire en direct sur l'antenne de RTL il y a moins d'une demi-heure. La course maintenant dans l'ascension, les derniers mètres du col de Mante avec Julian Alaphilippe, avec l'Italien Caruso et avec le Néerlandais Robert Kiesink. Moto RTL, Nicolas Georgerot. Non, problème de connexion avec la moto donc, avec Nicolas Georgerot, problème de connexion donc dans la descente maintenant de la deuxième difficulté de la journée, le col de Mante. Trois coureurs en tête, Julian Alaphilippe, Caruso, Gesink, qui possède quelques secondes d'avance sur d'autres coureurs ex-échappés, dont Pozzolivo, dont Pierre Latour, dont l'Autrichien Mühlberger. Un peu plus loin, Bergil est en difficulté et à 11 minutes désormais, le peloton maillot jaune. La course est loin d'être terminée, il faudra sans doute chercher le vainqueur d'étape parmi les coureurs échappés, mais ils sont éparpillés tout au long de ce parcours entre Carcassonne et Bagnères-de-Luchon. Descente actuellement du col de Mante pour notamment Julian Alaphilippe, porteur du maillot à poids de meilleur grimpeur, avant la dernière difficulté, le col du Portillon. Prochain rendez-vous, RTL Tour de France à 16h30. Merci Christian, à tout à l'heure. La météo avec de fortes chaleurs sur l'ensemble du pays. La canicule arrive et risque de se prolonger jusqu'en fin de semaine. Demain, le temps sera ensoleillé et très chaud. Une chaleur éprouvante dans les grandes villes avec des averses possibles dans le nord-est et quelques orages sur les massifs de l'est et les les Pyrénées, les températures de 13 à 22 le matin et de 24 à 36 l'après-midi, 24 à Brest, 29 à Nice, 31 à Lille et Bordeaux, 32 à Paris et Toulouse, 34 à Strasbourg, 35 à Marseille et 36 à Nîmes. Mimosa. Besoin de financer un projet en agriculture ou en alimentation? Avec Mimosa, c'est le grand public qui finance votre projet. Lancez-vous sur mimosa.com. L'arrivée des courses à Compiègne avec vous, Claude-Pierre Senti. Oui, l'arrivée de la 6e, associée à Sophie Chouette, le numéro 9 Spring Show s'est imposé, 10-40 et 2-40. Deuxième place pour le 7 Alishan Doré, 1-40. Troisième, le 6 Ardea Tina, 1,80. Quatrième place pour le 2, Brizida. Sophie Chouette s'est également illustrée dans la 6e course avec le 10, Pearl River Star, 4 contre 1. Deuxième place pour le 2, Saxe, 8 contre 1. Troisième, le 8, Panathos, 12 contre 1. Et quatrième place pour le 3, Art of Fusion, à 4 contre 1. Merci Claude. Il est 16h05 sur RTL. Tout de suite, les grosses têtes de l'été avec Laurent Ruquier et avec vous, Peggy. Bonjour. Merci Mélina, bonjour. On vous retrouve tout à l'heure à 17h pour un prochain point sur l'actualité. À tout à l'heure. Et on y va, c'est parti pour 2 heures de rire sur RTL avec les grosses têtes de l'été. Laurent Ruquier, vous savez que ce sont les meilleurs moments. On vous réserve les petites pépites qu'on a mis comme ça de côté tout au long de l'année, des années précédentes. Retour en 2017. Ce jour-là, il y avait aux côtés de Laurent Ruquier Isabelle Mergault, Gérard Jugnot, Roselyne Bachelot, Elise Moon, Chantal Latsou et Olivier de Kersauzon. Une question pour Marie-Vonne Bellec qui habite Sibiril. Et ma question vous emmène à Sibiril, hein. En Sibérie. Non, pas en Sibérie, à Sibiril. Ah bon? C'est dans le Finistère, il doit connaître, monsieur de Kersauzon, hein, Sibiril. Ouh! Ben oui, je connais alors, quoi. Il fait un Paris, froid. Tu connais, voilà, ça va, terminé. Il fait un froid de Sibiril. Ouais, c'est pas de Carantec. C'est près de Carantec. Oui, oui. Ben oui, ça, c'est une petite précision. Intéressante. Géographique qui nous sied, qui nous plaît, monsieur. Oui, je vous en prie. Ouais, continue ton truc, là. Monsieur le vicomte. Continue ton baratin fétide. Fais ton émission, là. Articulé puche. Pardon. Oh là là. Vas-y, casse-lui la gueule, Gérard. Audica. Non, mais battez-vous, là. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard ? Rien, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Vas-y, ça pleut, garçon. C'est vrai qu'il a un physique de lâche, hein, Gérard. Bon, ma question, alors, pour vous, monsieur le vicomte, puisque, normalement, il ne va pas vouloir répondre, Olivier, puisqu'il veut faire gagner quelqu'un du Finistère, ça va de soi. Ah ouais. Mais la question nous emmène en Meurthe-et-Moselle, exactement au château d'Arouet. Peut-être avez-vous déjà visité le château. Le château de Voltaire? Un château d'Arouet. Non, c'est pas le château de Voltaire. C'est un château qui a été construit. Il s'appelait Arouet. Par... Oui, mais c'est pas son. Oui, mais c'est pas son château. Bah, ça aurait pu. Voilà, c'est un château qui a été construit entre 1720 et 1729. Ah ouais. Vous voyez, dans une petite vallée au centre du village français d'Arouet, dans le Saintois, au sud de Nancy, si vous voulez des précisions, monsieur Jugnot. La question concerne les fenêtres du château. Ah, elles ferment mal, hein. Attends. C'est mal isolé, il faudrait une véranda de plaza. Attendez, les fenêtres, et pas seulement les fenêtres et les cheminées. Oui. Pourquoi parle-t-on dans la visite guidée du château, forcément des cheminées et des fenêtres? Qu'est-ce qu'elles ont de spécial? De ce château-là ou de tous les châteaux? Ah bah non, de ce château-là, autrement je ne me serais pas fait chier à vous dire où c'était, vous voyez. Parce qu'elles sont rondes, peut-être, les fenêtres sont rondes. Non, ça se voit. Ouais. Non, mais je sais pas, elles ont une forme spéciale. Elles n'ont pas une forme spéciale. Mais quelqu'un s'y est penché. Comment ça, quelqu'un s'y est penché? Par la fenêtre, vous voulez dire? Oui. Les fenêtres ont été murées? Les fenêtres n'ont pas été murées. C'est architectural? Ce n'est pas tant architectural, sauf que c'est évidemment le choix de l'architecte. Mais ça se voit. C'est dur à dire, ça. Oui, mais ça se voit pas à l'œil nu, je veux dire. Il y a des fenêtres uniquement où il y a des cheminées. Hein? Le Père Noël, il a le choix, soit la fenêtre, soit la cheminée, voilà. C'est ça. Il veut pas salir, il fait la fenêtre. Voilà. C'est un peu ça. Les cheminées sortent par les fenêtres. Ben ça, c'est bien, monsieur de Kersauzon. Vous avez 3 minutes devant vous, maintenant. Ouais, il y en a que sur un côté de la façade. Madame Bachelot, c'est pas mal, ça déjà, c'est bien réfléchi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il n'y en aurait qu'un côté de la façade. Bon, c'est pas ça du tout, autant vous dire. Mais quand même, vous voyez, ça fait avancer. Est-ce qu'on peut relier? Je vois pas en quoi ça fait avancer. Ah, il y a un lien, ça c'est sûr. Il y a des fenêtres sur la cheminée. Non, pas du tout. Chaque cheminée ressemble à une fenêtre. Non plus. Chaque fond de cheminée s'ouvre comme une fenêtre. Non plus. Chaque fenêtre est sale comme un fond de cheminée. Chaque fenêtre ressemble à une cheminée. Non, mais il se déchaîne, là, Olivier de Kersauzon. Attends. Non, non, non, non. Et on ne fait pas de commentaires sur les gens. Ça se voit. Ah oui. No personal remark. Pas taper. Je vous apprécie, mais je vous prie d'avoir de délicatesse. T'as dit que j'avais une petite bite, alors ça va. Hein. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Sa petite bite. Mais non. Une petite bite. D'un seul coup, vous êtes là. Ah, elles s'ouvrent de l'intérieur. Non plus. Ouais. Ça concerne le nombre. Ah, bravo, monsieur Junior. Le nombre. Bravo. Il y a autant de cheminées que de fenêtres. Non, justement, il y a plus de fenêtres que de cheminées. Ah oui, ça me paraît logique. Il y a deux, hein. deux fenêtres pour une cheminée. Non, non, non, mais c'est le nombre de fenêtres et le nombre de cheminées qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est équivalent. Non, pas. Ben non, viens de vous dire que c'était pas le même nombre. C'est la date de construction du château. Il y a 1782 cheminées. Il y a autant de fenêtres que de jours de l'année. C'était. Ouh là là là là là là. 365. Excellente réponse d'Olivier de Kersauzon. Ouais. Il y a donc 365 fenêtres. Et les années ouais. bissextiles. Oui. 365 fenêtres et combien de cheminées? Bah que de mois, 12. 12 non, 24, 39. Que de nombre de semaines. 52 cheminées, mais je vous accorde quand même la bonne réponse. Il y a Vasistas pour les années bissextiles. Mais effectivement, 365 fenêtres et 52 cheminées pour le château d'Arouet. Très jolie réponse d'Olivier de Kersauzon. Je l'ai mis sur la voie. Quoi. Vous voulez vérifier? Oui, vous voulez compter les fenêtres? Vous n'avez pas confiance en ce que je vous dis? Non, je ne vous crois pas du tout. Monsieur Semoun. Ah oui, en effet. Et toi, tu as combien de cheminées dans ton château? Comment vous dites en effet? Vous ne pouvez pas compter comme ça en deux secondes s'il y a 300 fenêtres? On voit bien que c'est rempli de fenêtres, quoi. Oui, bah, comme tous les châteaux. Non, mais il y en a partout, c'est vrai. Vous faites vos fenêtres vous-même, Chantal, là-dessous? J'adore ça. Ah oui? Ah oui, avec un papier de journal. Ah oui! Parce que ça ne laisse pas de traces. Ah, ouais. Non, mais et puis c'est vachement et de l'alcool à brûler. Si tu frottes avec le monde, tu vois plus loin. Non, mais c'est vrai. Non, c'est avec du vinaigre blanc. Je suis avec le nouvel observateur, ouais. Tu vois mieux. Ouais. Mais avec le poing, tu casses la vitre. Oui, mais avec l'express, tu vas plus vite. Et avec le Parisien, avec tu râles tout le temps. Et avec Libération, ça se fait plus vite. 365 fenêtres, vous rendez compte, dans un château. Ça me paraît assez incroyable qu'il y ait 365 fenêtres. Je n'y crois pas, je compte. Il y a le côté pile et le côté face. Oui, d'accord, ouais, mais regarde. Non, non, non. Vous êtes sûr que c'est des fenêtres, c'est pas des carreaux? Il y a peut-être des cours intérieurs. Ils comptent peut-être la fenêtre intérieure et la fenêtre extérieure. Mais non, Chantal. Il y aurait un nombre pair, idiote. Les grosses têtes de l'été. Avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Le journal du futur, Martial You. Énigme numéro 3. Care pecore smarrite, mi sento bene e prego sempre. Réponse. Ça, c'est le pape Urbain IX qui va devoir démissionner en 2067 avant de devenir fou. Le journal du futur. Plongez avec moi dans notre futur tous les jours à 8h30 et 19h15 sur RTL. Commerçants, artisans, restaurateurs, vous avez besoin de recruter rapidement? Envie d'un outil efficace pour trouver votre prochain employé? Sur cornerjob.com ou sur notre application, recrutez de façon simple et rapide. 200 000 entreprises ont déjà choisi Cornerjob. Postez votre offre d'emploi en une minute et contactez les candidats directement sur leur mobile. Corner Job, rejoignez l'équipe. Bon après-midi, merci d'avoir choisi RTL. Vous avez fait le bon choix, bah oui, forcément, puisque vous savez qu'à cette heure-ci, de 16h à 18h, ce sont les grosses têtes et ce sont les grosses têtes de l'été. Donc les meilleurs moments avec Laurent Ruquier. Que du rire et que du bonheur pendant 2 heures. Le fameux numéro 8 n'a jamais changé depuis la création de la société en 1890. C'est le patron qui dit ça. Mais le patron de quoi ? Chanel ? Chanel, non. Ah oui ? Ah oui, bien. Le fameux numéro 8 n'a jamais changé depuis la création de la société en 1890. C'est par rapport avec le parfum, comme l'a dit Laurent ? Non, aucun rapport avec le parfum. C'est alimentaire ? C'est un objet, oui. C'est alimentaire ? Alimentaire, non. Un véhicule ? Un véhicule, non. Ça se tient dans la main ? Ça se tient dans la main, comme vous dites, madame. Ça se tient dans la bouche ? Oh non ! Ça, c'est pas conseillé, mais ça peut passer vite fait dans la bouche. C'est une arme ? Une arme, oui aussi. Un lance-pierre ? Un couteau suisse ? Un couteau ? Un couteau, oui, mais lequel ? Non, oui, c'est l'opinel. Le couteau. Non, c'est l'opinel. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Oui. Chez Opinel, le numéro 8, c'est un grand classique. Mmh. C'est celui qui se plie, le numéro 8. Oui. C'est ça, ouais, monsieur de Kersauzon. Ils se plient tous. Ah, bah non, maintenant, justement, ils n'en font. Ouais, bah c'est plus Opinel. Alors. Ah, bah si, maintenant, ils font des couverts. Opinel sérieux, se plier. Voilà, non, c'est mais tout. Ils font des couverts maintenant. Il y a une petite abeille. Comment ça, une petite abeille? Pas du tout. C'est la gueule, ça. Tu confonds. Ah, oui. La gueule. Ah oui, la gueule. Non, il n'y a pas de petite abeille. Oui. Il y a une main bénissante de Saint Jean-Baptiste sur les... sur les doigts coupés de la victime. Non, mais... Non, mais vous avez raison que les opinels, normalement, se plient, ça c'est vrai, avec un manche. Avant, les manches étaient faits en hêtre seulement, en hêtre vernis. Et aujourd'hui, alors, vous avez des trucs de toutes les couleurs, vous avez des bleus, le bleu Vendée Globe. Vous avez... C'est qui vient de tousser, là, encore? À votre avis, Isabelle, quand enfin, elle parle Isabelle pas, Mergo. Qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? On va vous mettre en couple avec Bénichou. Hein. Ouais. Je pense que là, il y a... Non, vraiment, il y a un truc à faire. Hein. Oh la vache. Vous me garderez un petit, hein. J'ai éternué. Encore faut-il trouver le bocal. Alors, les couteaux de poche restent exclusivement fabriqués en France, mais maintenant, on fait des couverts aussi chez Opinel, monsieur de Kersauzon. Voilà pourquoi vous avez des couteaux qui ne sont plus pliables, parce que vous les mettez auprès de leur assiette à manger. Mais sur vous, vous en avez un. Je suis sûr que vous êtes le genre d'homme à avoir un Opinel sur vous, monsieur de Kersauzon. Non, vos mains vous suffisent. T'habitais ton couteau, non, moi, c'est ma cuillère, ma chapelle. J'avais des couteaux avant, oui. T'avais des Leatherman, toi. Qui a un couteau sur soi, moi. Ici? Ah, j'étais sûr. Ah ouais? Laurent Baffy. Je l'ai fait fabriquer, en fait, et je les offre à mes amis. Ah bah, il n'y en a pas un qui dit c'est qui l'a. Non. Voilà, c'est un petit couteau suisse. Ah, avec, il y a marqué. Oh, le couteau de Lolo. Couteau COUTO. C'est mignon. Et je vous l'offre, patron. Oh, bah parce que le couteau de Lolo, ça marche pour moi aussi, il est pas con. En plus. C'est vrai. Il est malin en plus. Ne fais pas de ta pute, donne-moi une pièce. Ah oui, il faut échanger une pièce quand le tu donnes un couteau. Le couteau de Lolo, mais j'ai pas de pièce sur moi, je crois pas. Ça sert à quoi ce couteau? À pas grand-chose. Ça sert à tout. Il y a deux choses qu'il faut avoir dans sa vie, ce sont des petits objets qui vous sortent de toutes les situations. C'est un petit couteau suisse et une petite carte bleue. Vous verrez. Le couteau belge, c'est le même, mais il n'y a pas de lame. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de l'été sur RTL. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement. Et toujours en été, y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse, y a plein de chiens. Il y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement. Un million d'années, et toujours en été. Thank you. sait bien. On n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. On dit c'est le destin. En été, ah, on ne s'en lasse jamais, le sud. Nino Ferrer à l'instant sur RTL. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de l'été sur RTL. Laurent Ruquier. Bonjour, c'est Julien Cellier. Bonjour, c'est Marina Giraudot. Toute l'équipe des Petits Matins vous souhaite un merveilleux été. Oui, en tongs, en costume, les amis, restez branchés sur RTL. Et profitez-en. Pour découvrir les chanteurs de demain, une maison de disques a eu une idée incroyable. Amener de parfaits inconnus à leur insu à se produire en public. Piégés et filmés en caméra cachée, ils vont passer une audition secrète. Qui va voir sa vie changer en signant un contrat avec cette maison de disques alors qu'il ne se doutait de rien? Audition secrète, présentée par Eric Antoine et David Ginola, c'est ce soir à 21h sur M6. Et retour des grosses têtes de l'été sur RTL. Vous savez que c'est le rendez-vous à ne pas manquer pour avoir les meilleurs moments des grosses têtes avec Laurent Ruquier. On repart en 2017. Alors même si vous êtes fan et que vous écoutez tous les jours, il y a peut-être des choses qui vous ont échappé. Mais nous, on vous rediffuse tout ça pendant tout cet été sur RTL. Vous allez peut-être reconnaître entre autres les voix de Francis Huster, ou encore Agathe Le Caro, ou encore Bernard Mabille, ou encore Gérard Jugnot. Entre autres parce qu'il n'y a pas que. Une question pour Carole Maître, qui habite Bordeaux. Et la question concerne James Mason, Omar Sharif, David Coburn et Michael Caine. Tous ont joué le même rôle. Quelqu'un dont on reparle dans la presse Nemo. Aujourd'hui. Pardon ? Nemo, le capitaine Nemo. Nemo, oui. Capitaine Nemo. Excellente réponse de Bernard Mabille. Eh oui. Et Nemo, c'est... Ah bah c'est le chien des... De mon père, de Macron. Qui n'est pas une pure race. Ça veut dire qu'on a trois corneaux à l'Élysée maintenant. Ça, c'est aussi... Oh, vraiment, c'est très chansonnier. Bernard. C'est le caveau de la réputée. Tu sais, il y a le plus grand charcutier, c'est un Colombien, parce qu'il a fait une andouille d'1m90. Non, mais pourquoi des corneaux, les Macron? Vous ne les aimez pas, le couple Brigitte et Emmanuel? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand même, franchement. Beaucoup. Puis c'est sympa qu'ils aient adopté un chien. Ah oui. De la SPA. De la SPA, vous voyez. Oh, c'est non, sympa. Ah bah oui. Un mélange labrador-griffon. Ce qui est surtout dingue dans cette histoire, c'est qu'il a changé le nom du chien. Vous voyez, ouais. C'est la première réforme de Monsieur Macron. C'est-à-dire que, non, mais c'est vrai, il s'appelait pas Nemo, le chien. Ah bon, il s'appelait comment? Ah non, non, non. Merlin, genre un truc comme Samba, ça. C'est Samba, complètement crétin Samba, de changer ou... le nom d'un chien. Pardon, parce qu'il a... C'est complètement crétin de changer le nom d'un... Oh putain, c'est dur. Qu'il ait un autre mais nom, non, le canin. Il a un pseudonyme. Parce que, franchement... Non, il s'appelait Marin et ils ont décidé de l'appeler Nemo. C'est ils le président ont... parce qu'il aime bien Jules Verne. Voilà. C'est l'année des haines aussi. C'est amien, Jules Verne. Et puis ils lui ont donné un pseudonyme pour pas que sa famille soit endettée. Jules Verne habitait, Jules Verne habitait à Amiens. Donc c'est un hommage à Amiens. Oui, mais enfin, un chien qui avait déjà un nom, on lui laisse oui, son nom. Non, moi je trouve pas. Je trouve que c'est une nouvelle vie qui commence pour lui. Il change de nom et voilà. Il change de vie. Ah oui. Bah oui. Ah, vous pensez bah oui, dans sa tête, il sait qu'il recommence tout. C'est quand on a fourré que qu'il ait un chien et qu'il s'appelle. Pourquoi vous avez remplacé branlé par fourré au dernier moment? Oui, on peut fourrer, on peut branler, on peut. Il fourre plus qu'il ne branle maintenant. Il me dit foutre et c'est branler. L'inverse. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. C'est bizarre ça, Pierre, quand même. Oui, c'est bizarre. Vous avez vu vous retenir de dire branler, vous avez dit fourrer et à la fourrer, place. Et fourrer, ça veut rien dire. Mais je voulais dire foutre. Oui. C'est le troisième mot. Mais ma fangue a lourché. Pierre, ce qui serait pas ridicule, c'est de faire exactement comme on fait la fête des mères, la fête des pères, de faire la fête des animaux. Ah, tu voudrais la fête des animaux? Je voudrais la fête des animaux, parce bien sûr. Y a ce sont nos amis, hein. La fête des chattes. Non, non, ce serait sympa une fois par an. C'est la fête des animaux. La fête des animaux, il y a des chiens qui sont des chiens aveugles, il y a des chiens qui sauvent la vie des autres, qui font vraiment sauver des gens, il y a des chiens qui sont la seule compagnie qu'une dame âgée peut avoir. T'as pas compris le concept de l'émission. Là, t'as bien cassé l'ambiance. C'est pas bisounours, l'abbé Pierre, d'accord? Qu'on parle de bites, c'est pas... Bien sûr qu'il faut les sauver. Eh bien, moi, je t'ai dit qu'un jour... Il y a une journée mondiale le 4 octobre, hein, Francis, déjà. Bah ah oui, oui, oui. Bah oui. Ah bah alors, toi, tu l'as raté. c'était la journée du chien, il n'y a pas longtemps. Il y a une semaine. Oui, voilà. C'était la journée internationale du chien. Vous avez raison, absolument. En Suisse. Ça fait 60 ans qu'on se connaît et ça le fait toujours. En 60 ans qu'on se connaît, dites parler pour vous. Vous avez un animal domestique, Agathe? Je suis pas très chien, moi. Je suis pas très chien. Non. Quoi, moi, je suis plutôt chat. Je voudrais être ton chien, moi. C'est vrai? Ouais, l'ombre de ma main, l'ombre de mon chien. Tu sais, on a déjà vu le feu se jaillir d'un ancien volcan qu'on croyait éteint. Fais gaffe quand même. Vous avez vu comment il a attrapé la main d'Agathe Le Carré? Depuis que je sais que ça sent le vétiver partout. Ah, il sent le vétiver partout. Il sent un peu, en tout cas, il sent le frais. Voilà, on mangerait dans ses cheveux. Tu vas pas manger grand-chose. C'est marrant, c'est drôle, hein, comment... Je savais qu'elle cherchait l'époux. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on voit que la méchanceté paye. Ah oui. Moi qui ne suis que gentillesse, que douceur. Bah moi, je suis gentille aussi, manger dans les cheveux. T'en parles pas de toi, oh. Ça y est. Mais qui cause de toi? T'arrives, toi. Je parle des autres. Des hyènes. Des hyènes, salopards. Tu te mets du vétiver? Je me mets ce que je veux. Il est vegan. Je me mets pour un homme de Le Caron. C'est drôle, ça. Ouais, c'est pas mal. Personne ne sait ce que c'est que pour un homme de Caron. Mais si, on ne savait pas. Mais si, ça sent. Vous savez pas de chouriche et machin, vous. Vous parfumez à quoi, vous, monsieur Junio? Un truc italien. Un truc italien? Ah, tiens, que vous faites venir d'Italie exprès? Non, c'est Santa Maria de Novella. Mozzarella. Oh là là. Allez, mecs qui ont les moyens. Ah quand ouais, vachement. Francis, il met forcément un vrai parfum. C'est opium. L'homme idéal. Ah, c'est bien ça. Ah, voyez. Et vous, Bernard? Ah, moi, pur hasard. Je me mets dans un doula dans le cul, ça sent bon, c'est un pur hasard. Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes de l'été reviennent dans un instant sur RTL. RTL. Tour de France 2018. Et on part rejoindre Christian Olivier sur la route du Tour pour cette 16e étape. Arrivée Bagnères de Luchon. Christian, où en sommes-nous? Bonsoir. Le col de Manté et le col du Portillon. Une quinzaine de coureurs en tête actuellement. Quelques Français. On rappelle l'identité de certains de ces Français. Pierre Latour, Warren Barguil, Rudy Mollard, Guillaume Martin. Mais il y a également là Julian Alaphilippe et son joli maillot à poids de meilleur grimpeur. Quelques bons coureurs étrangers également. Pozzovivo l'Italien, Mühlberger l'Autrichien, Yates le Britannique, Valgren le coureur danois. Et ces coureurs qui vont très certainement se disputer la victoire d'étape, même si la route n'est pas encore terminée, même si l'étape n'est pas encore terminée avec le col du Portillon. Eh bien, ces coureurs possèdent maintenant une dizaine facile de minutes d'avance, bonne dizaine de minutes d'avance, 11 minutes et 45 secondes exactement sur le peloton maillot jaune. Pas de changement au classement général, en tout cas, sauf incident bien évidemment, mais pas de coureurs dangereux dans ce groupe de tête, raison pour laquelle Geraint Thomas et les coureurs d'information Sky pour l'instant ne réagissent pas sur les routes ensoleillées du département de la Haute-Garonne. Petite incursion actuellement dans la province de Lérida en Espagne et ensuite retour dans le département de la Haute-Garonne. Prochain rendez-vous RTL Tour de France dans le flash de 17h. Merci Christian, à tout à l'heure. Et pour le moment, retour des grosses têtes. Les grosses têtes de l'été, les meilleurs moments avec Laurent Ruquier. Ce qui est bien dans les grosses têtes, c'est qu'en plus, vous pouvez participer. Vous vous retrouvez face à elle. Si vous répondez plus vite qu'elle à la question posée par Laurent, vous repartez avec un séjour. Alors voyons si l'auditeur qui a joué le 16 mai 2018 a gagné. RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Dylan est au téléphone. Bonjour Dylan. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. grosses têtes. Bonjour Dylan. Quand on s'appelle Dylan, on est jeune. Quel âge vous avez ? J'ai 34 ans. 34 ans et vous habitez Saint-Michel-sur-Savasse dans la Drôme. C'est où exactement Saint-Michel-sur-Savasse ? C'est au-dessus de Romans-sur-Isère, pas loin de Valence. Ah bah alors oui. Ouais. Si Valence, on voit où c'est Valence quand même. Oui, Valence. Faites, en Espagne. Faites quoi dans la vie, Dylan ? Je suis pilote de station gaz chez Storengy. Pilote de station gaz. Ah oui, oui. Vous pétez. En fait, non. On a un stockage souterrain où on stocke donc du méthane et qu'on renvoie sur le réseau GRT pour délivrer jusqu'aux clients. Écoutez, c'est pas plus clair, mais vous allez partir en voyage à Barcelone, Dylan. À condition, évidemment, que dans un instant, vous répondiez à ma question. C'est Vueling.com et Weekendesk.fr qui vous offrent ce magnifique séjour. Vueling.com, c'est évidemment la compagnie aérienne qui va vous faire voyager en vol direct depuis Paris. Quant à Weekendesk.fr, c'est le spécialiste du court séjour sur Internet et il vous offre l'hôtel Santos Porta Fira. Allez voir sur leur site Weekendesk.fr. Dylan, vous êtes prêt ? Il s'agit d'un événement heureux, d'un mariage. Pas le mariage dont tout le monde parle. Ah non, pas le mariage du prince. Le mien. Pas celui de Pierre Boubi non plus. Non, mais en même temps, il s'agit quand même de sport, puisque c'est quelqu'un qu'on a connu, évidemment, dans le monde du sport, qui s'est marié samedi dernier. Moi, j'ignorais quel beau mariage a eu lieu samedi dernier, je vais vous dire où, à Saint-Julien-en-Born dans les Landes, samedi 12 mai dernier, des noces champêtres très attendues, 120 convives, nous dit ici Paris. Alors, c'est qui Saint-Julien-en-Born dans les Landes, vous avez dit ? Oui, à Saint-Julien-en-Born dans les Landes, qui a épousé qui ? Les deux sont connus, d'ailleurs. Ah bon ? Et le mari et la femme. Ils se connaissaient depuis longtemps ? Ah, ils se connaissaient depuis un petit moment, déjà. Ils ont même eu un enfant, déjà, ensemble. Le petit loup, vous voyez ? Le petit loup. Le petit loup. Et Laure Manaudou ? Laure Manaudou et... Son mari, Jérémy Frérot. Et voilà, les Frérot de la Vega. Elle n'a pas épousé les deux, hein. Ah mais non, il y en a un qui va chanter maintenant sous le nom de beau frérot de la Vega. Laure Manaudou, la sirène, s'est mariée, titre ici Paris, 120 convives qui ont fait la fête sous un chapiteau jusqu'au bout de la nuit. C'est pas elle qui avait volé à Disneyland ? Oh non, c'est pas son genre. Non, elle vole pas, elle nage. Oui, d'accord. Mais elle est jolie pourtant, c'est pas très flatteur de dire la sirène. C'est quand même moitié femme, moitié thon. Oui. Elle a une queue surtout. Et je trouve qu'elle est jolie. C'est une jolie sirène, c'est un joli couple en tout cas. Oui, absolument. Jérémy Frérot et Laure c'est Manaudou. C'est une femme merveilleusement belle, moi je trouve. Elle est jolie comme si c'était une starlette, non ? C'est une beauté, c'était quelque chose qui sort de l'onde. Pierre aime bien les nageuses, il faut dire. Ouais. J'aime bien les épaules larges, moi. Ouais. Ah oui. Pour ça que je t'aime bien, mon petit. Ah bah là, c'est raté. Prendre un catcheur plutôt. Voir un sumo. C'est vrai que vous n'avez pas une grosse carrure, vous, Pierre Boubi. À la base, je suis pas fait pour le football. Déjà, moi, j'ai eu un coup de bol, donc. Ah bon, mais comment vous êtes arrivé dans le foot alors ? Par hasard, j'ai vu de la lumière, j'y suis allé, puis on m'a dit ça va, c'est du démerde. Ils sont pas forcément carrés d'épaule, les footballeurs. Non, mais ils font de plus en plus de muscu maintenant, les footballeurs. Quand mais même. Vous avez échoué dans quel sport avant d'atterrir dans le football alors ? À l'école. Ah oui. C'est le cursus normal, hein. Voilà. Défaite comme à l'école et puis on monte au comme foot. Comme tout le monde. Tous les footballeurs ont raté à l'école. Bien sûr. Tous les artistes aussi. C'est vrai. Bah oui. Et oui. Je veux dire, qui dans la vie a vraiment réussi à l'école ? Les instituteurs. Ça, c'est une belle réponse. RTL, les grosses têtes de l'été. Laurent Ruquier. On the weekend we just dance. can't get down. I gotta pick me up. Gonna meet you at the bar where we do that talk. Oh, the phones are lighting up. Oh, the faces lighting up. Now the fires are light, but I don't know whether we're gonna remember. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we just dance. Est-ce que c'est bon ça, moi j'adore. C'est le premier extrait de Square One, le nouvel album de Charlie Winston sur RTL. The Weeknd, un album qui sortira à la rentrée. RTL, les grosses têtes de l'été, Laurent Ruquier. Juste avant l'arrivée de l'étape du Tour de France, retrouvez le cycliste le plus combatif du jour avec le prix Antargaz de la combativité. Les rencontres sur Internet ? Oui, je sais que ça se fait, mais je ne saurais pas par où commencer. Allez sur Internet, connectez-vous sur le site disonsdemain.fr. Découvrez des personnes qui vous ressemblent. C'est facile sur disonsdemain.fr, le site de rencontre des jeunes de plus de 50 ans. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant. Les résultats d'audience des radios viennent d'être publiés. Sur la période avril-juin 2018, comme sur l'ensemble de la saison 2017-2018, vous avez une nouvelle fois fait de RTL la première radio de France. Merci. Merci beaucoup. RTL réalise sa meilleure part d'audience depuis 10 ans. Merci à tous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Chaque jour, vous êtes 6 400 000 à l'écoute de nos programmes. Merci de votre confiance et de votre fidélité. RTL, première radio de France. Bon, et après avoir bien dansé, évidemment, on repart avec du bon rire et de la bonne humeur. Ce sont les grosses têtes de l'été, Laurent Ruquier, jusqu'à 18h sur RTL. Pour savoir qu'un verre de vin est de trop, encore faut-il l'avoir bu. Pour savoir que... Quand tu l'as déjà pas bu, tu l'as déjà pas bu. Pour savoir qu'un verre de vin est de trop, encore faut-il l'avoir bu. Et alors, le gars, il a dit ça, il est mort. Ah non, il est toujours vivant. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, non. Pour savoir qu'un verre de vin est de trop, encore faut-il... Il était romancier, le con. Romancier, non, mais il a publié pas mal. Et à chaque fois, c'est un best-seller dès qu'il sort un livre. Est-ce qu'il est réputé pour sa consommation d'alcool mais... Ah, c'est vrai que je crois qu'il a quand même pas mal picolé, mais beaucoup moins qu'avant, je crois qu'il s'est assagi. C'est celui qui a un peu dégardi des cheveux, non? Dégarni des cheveux. Je ne sais plus le nom du mec, là. Non, mais vous l'êtes dégarni d'où ailleurs que des cheveux, vous? Il aurait pu aussi travailler ici. Est-ce que ce ne serait pas par hasard quelqu'un de présent qui s'appelle Péroni? Ce n'est pas Jean-Jacques Péroni. Si je faisais des best-sellers, j'aurais. Donc, quelqu'un qu'on connaît bien. Et il est venu ici aux grosses têtes déjà. Oh, il a été pilier des grosses têtes pendant de longues années. Ah, bah... Et on espère qu'il va revenir. Bouvard. Attendez. Ah, bah c'est gentil. Nous aussi, on espère. Attendez. Attendez, c'est Kersauzon. Olivier de Kersauzon, bonne réponse. de Jean-Jacques Perroni. Attendez, je note Rollin, trois passages en moins. Je note Rollin ne reviendra qu'en même temps que Philippe Bouvard. Ouais, je suis pas certain d'avoir fait une bonne affaire, mais bon. Une autre citation pour Rémi Lebert qui habite Plumerga dans le Morbihan, qui a dit : pourquoi dit-on souvent qu'un appartement est haut de plafond et jamais bas de plancher ? En bas de Francis Blanche, peut-être. Alors, Francis Blanche, non. Pierre Dac. Pierre Dac, bah, oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Vous avez beaucoup de hauteur sous plafond chez vous, Pierre Bénichoux ? Non, pas du tout. Je déteste ça. Mm. Et je déteste ça. Je trouve que justement... Parce que ça coûte cher. Non, pas du tout. Nous ne sommes pas les employés de la télévision dans ma famille. Ça coûte cher. Mais est-ce que je voudrais vous dire ça, mon non, mais je veux dire, ce que je voudrais vous dire, c'est que le confort le plus merveilleux, c'est dans les films américains des années 40, où on voit ils rentrent chez eux, ils ont un truc, et c'est toujours bas de plafond. Et que le bas de plafond donne du confort et donne de l'intimité, tandis que haut de plafond, c'est triste, c'est sinistre. Ouais, c'est moins cosy, oui. Quand c'est bas de plafond, ça déclenche une atmosphère beaucoup plus intime. Il n'y a qu'à vivre à la cave, et puis voilà. Oui, mais si je le fais déjà, à la cave, t'inquiète pas. Même quand Pouche, elle était cosy. Non, il ne faut pas aller dans les cas extrêmes. J'imagine. Et vous, il y a combien de plafonds chez vous, monsieur Jean-Philippe Janssen ? Moi, j'habite sous les toits, donc moi, c'est en cathédrale. Est-ce que c'est l'appartement que monsieur Plaza vous a trouvé ? Non, c'est pas celui-là. Jean-Philippe, donc vous, votre style, c'est Mimi Pinson. C'est quoi Mimi Pinson ? Qu'est-ce qu'elle vous fait ? Vous savez pas ce que c'est que Mimi Pinson ? Mais oui ! Mimi, c'est une petite maison avec des poutres et sous les toits parisiens. Non, Mimi Pinson, c'est l'archétype de la midinette qui habite ce qu'on appelait une chambre de bonne à l'époque. J'habitais voilà. Sous les toits. Voilà. Ben oui, c'est ça. Alors c'est un peu Mimi Pinson. Voilà, Mimi Pinson. Et puis elle chante par la fenêtre. C'est ça. C'est très cosy avec ma petite chatte, puisque j'ai une chatte à la maison. Qu'elle s'appelle Duchesse. Donc avec Duchesse et Mimi Pinson, on est dans la maison, on est heureux. Voilà. C'est une maison Mimi parce que la chatte a bouffé le pinson. Grosse tête de l'été sur RTL. Jimmy Cliff à l'instant sur RTL avec I Can See Clearly Now. 16h, 18h, les grosses têtes de l'été sur RTL. Et c'est reparti, bah oui, on est comme ça, on aime quand les grosses têtes s'enchaînent. Les grosses têtes, ce jour-là, le 27 octobre 2017, c'était Laurent Baffy, il y avait également Karine Lemarchand, Baptiste Le Caplain, Isabelle Mercot, Olivier de Kersauzon, Elie Semoun, et évidemment tout ce beau monde autour de Laurent Ruquier. Dans un instant, nous aurons au téléphone Jean-Loup Chifflet, que vous connaissez peut-être, oui, puisqu'il a participé, oui, avec nous de temps en temps aux Grosses Têtes, et il publie ses mémoires, en quelque, oui, sorte. 50 ans d'édition. Et j'entends Chifflet le train. Non, ça, c'est au-dessus, il aurait pu choisir ce titre parce qu'il aime beaucoup les jeux, ouais, de mots. Il publie chez Plon dans les coulisses festives et émouvantes de la vie de l'édition, puisque il a vécu pendant 50 ans dans le monde de l'édition. Et justement, il nous raconte dans ses mémoires qu'en 1986, il est invité à participer à un jury qui décerne, un jury littéraire, hein, qui décerne cette année-là un livre, le Grand Prix du jury. Le livre en question s'appelle « De l'influence des queues de poisson sur les ondulations de la mer ». Mais quel était le prix décerné ce jour-là par le jury ? C'est un prix connu ou pas ? Ah, c'est quoi, c'est un prix connu ? Bah, Renaudot, des choses comme ça. Ah non, pas du tout, non. C'est un prix humoristique. Alors répondez, c'est un prix connu ou pas ? Bah non. C'est un nom caustique ? Non mais vous pouvez trouver, puisque... on peut trouver par déduction. Voilà. Est-ce que c'est un nom caustique ? Comment c'est un nom caustique ? Un l'équivalent des Gérard ? C'est-à-dire le prix du plus mauvais, premier essai. Par voilà, le roman le plus con de l'année, par exemple. Non, mais on n'est pas loin. Le roman. Écoutez, il suffit de savoir quel livre a gagné. De l'influence des queues de poisson sur les ondulations de la mer. Le prix dont tout le monde se fout. Non. Il ne sert à rien. Les écailles de... Le prix à la con. Non, mais qui n'ont aucun intérêt. Non, mais on est tout prêt, évidemment. Le grand prix. Le livre de merde. C'est un rapport avec le titre, forcément. Oui, bien sûr. Alors, le prix de la noyade, le prix de la... Le prix du poisson. Du titre le plus long. Le titre le plus con. Pas le plus con, parce que c'est... Stupide. Voilà. Stupide, pas forcément. Bête. Bête non plus, mais... J'ai plus de synonymes, j'en avais que trois. Inepte. Non, parce que c'est pas forcément con, c'est pas forcément stupide. Inepte. Le grand prix du livre dérisoire. Oui, dérisoire, c'est le mot. Un salaire superficiel. Oui, c'est ce que ça veut dire, le prix du titre le plus... Léger. Pas léger. Non, le plus absurde. Absurde, presque. Pensez à Michel abscon. Simon et à Louis Jouvet. Gratouille, chatouille. Qu'est-ce que je peux faire de plus là, franchement, hein. J'ai bien une idée, mais ça va pas vous plaire. Le plus bizarre. Le prix le plus bizarre, le titre le plus bizarre. Heureusement qu'elle est là aussi. Bonne réponse, Isabelle Mergaux. Et oui. Le prix du titre le plus bizarre. Et c'est vrai que c'était un titre bizarre. Le gagnant à l'unanimité, hein, c'est ça, Jean-Loup Chifflet. À l'unanimité, mais on a quand même un petit peu hésité avec un autre titre, L'heure des marées dans la mer rouge, comparé avec Le passage des Hébreux. Ça, c'était pas mal. Mais est-ce que ça existait aussi... Attendez, est-ce que ça existait vraiment, ces titres-là ? Oui, alors, il faut mais dire que... Est-ce que vous avez lu les livres ? Non. Ah. Mais il faut dire que de l'influence des queues de poisson sur les ondulations de la mer a été publiée en 1895. C'était vraiment des titres que nous sommes allés chercher très loin, mais il y en avait quand même des plus récents, comme Le sadisme moral et la personnalité végétarienne en 1926, ou Heureuse bien que mariée en 1922. Là, j'ai beaucoup hésité. Et même plus récent, en 2002, Guide à l'usage des chiens amputés. Oui, Guide à l'usage des chiens amputés. Étude sur la crampe des télégraphistes. Ça ne s'invente pas, ça, quand même. Mais c'est fou. Et pourquoi Jésus n'a jamais écrit de livre en 1932 ? C'est pas mal non plus. Le guide du pickpocket. Ça, faut quand même oser. Oui. Publier le guide du pickpocket. La pogonotomie ou l'art d'apprendre à se raser soi-même. Ça, j'ai les noms, hein. Ça date de 1769. Alors, ouais, vous nous racontez des choses drôles sur vos 50 ans d'édition, Jean-Loup Chifflet. Il n'y a pas évidemment que ce prix. C'est quand même des explications sur les termes qu'on emploie dans le monde de l'édition, ne serait-ce que les avances, les avaloirs. Exact. Ah oui, ça c'est intéressant, évidemment. Et le livre de poche, comment est né le premier livre de poche ? C'est Philippe Aki, le père de Daniel. Enfin, c'est la légende, mais je crois que c'est vrai, qui avait remarqué que que les soldats américains, dans une librairie, qu'un soldat américain avait pris un gros bouquin, il l'avait coupé en deux, c'était juste après la guerre, il l'avait plié en deux, il l'avait mis dans son battle dress en deux parties, et c'est là qu'il aurait eu l'idée de créer le livre de poche. Et quel succès depuis le livre de poche, et vous citez Bernard Pivot qui dit que le poche est très important, évidemment, encore aujourd'hui. Proust dans ma veste, Hemingway dans mon manteau et Baudelaire dans mon pyjama. Le livre de poche permet évidemment d'emporter les lectures qu'on préfère un peu partout. Et peut-être qu'un jour, le vôtre sera en poche aussi, Jean-Louis Mais Soufflet. Oui, mais vous savez que dans ce livre, on croise des gens formidables, comme Olivier de Kersauzon, qui ne le sait pas, mais il faudrait qu'il le lise. Je raconte effectivement des anecdotes. Qu'est-ce que vous racontez sur Kersauzon? Ah bah, Kersauzon, on s'est retrouvé un soir chez un ministre qui s'appelait Degnaud, qui nous avait convoqué avec d'autres amis pour essayer de trouver un titre à son nouveau livre sur la mer, et c'est Olivier qui avait trouvé ce titre merveilleux. Il s'en souvient peut-être pas parce qu'il était bourré. C'était La mer est ronde. La mer est ronde, ah oui. Il était aussi rond que la mer, faut dire. Voilà. Non, j'étais pas bourré, arrête. Jean-Louis Chifflet, je n'ai pas encore le titre. J'ai bourré la veille. Ah d'accord. Jean-Louis Chifflet, je n'ai pas encore le titre. C'est pas mal comme titre, hein, d'ailleurs. Oui, c'est une idée. On reconnaît toute votre ironie. Eh oui. T'étais bourré aussi, toi. J'ai donné au tais-toi. Je suis venu le voir en lui disant, puisqu'il m'avait demandé de faire ce livre, je lui ai dit, je n'ai pas encore le titre, et il m'a répondu, parfait, c'est un excellent titre. Et voilà, je n'ai pas encore le titre, 50 ans d'édition, c'est un régal, parce que c'est drôle, festif, émouvant parfois, la vie de l'édition pendant 50 ans, signé Jean-Louis Chifflet, c'est chez Plon. Merci beaucoup. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de l'été sur RTL. Laurent Ruquier, le grand quiz de l'été. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Quel plaisir de vous retrouver demain pour le grand quiz de l'été sur RTL. Tous les matins, répondez à nos questions pour gagner 1000 euros et des séjours en famille au parc Astérix. Pour jouer, inscrivez-vous dès maintenant au 3210, 50 centimes la minute, ou par SMS en envoyant RTL au 74 900. 75 centimes par SMS, 4 SMS maximum. Le grand quiz de l'été. Demain à 9h15 sur RTL. Avec Laurent Deutsch, découvrez l'histoire d'un produit fabriqué par une entreprise locale et sélectionné par les magasins U de Poitou-Charentes. En Poitou-Charentes, les magasins U commercialisent le lait produit par l'association En Direct des Éleveurs. Un lait bleu blanc cœur, riche en oméga 3 et garanti sans OGM. En Direct des Éleveurs, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Pas d'intermédiaire et la garantie d'un prix juste pour les producteurs. Et en plus, leur emballage a été conçu pour avoir moins d'impact sur l'environnement. Bref, un lait qui est bon et qui a tout bon. U. Commerçant autrement. Bon, il fait particulièrement chaud aujourd'hui, quasiment pour tout le monde. Les températures sont très élevées et ça va encore grimper parce que quand on rit, on a encore plus chaud et on va rire jusqu'à 18h puisque ce sont les grosses têtes de l'été, les meilleurs moments avec Laurent Ruquier sur RTL. Une question pour Magali Roussel qui habite Montargis dans le Loiret. Qui a obtenu ses diplômes de médecin le 12 juin 1953, diplômes qui sont encore contestés par certains aujourd'hui? Che Guevara. Vous avez vu comment elle l'a dit gentiment? Che Guevara. Vous pouvez me le redire encore une fois? Che Guevara. Oh. Excellente réponse de Marcella Yacoub. À l'époque, il s'appelait Ernesto. Qu'est-ce que vous dites? À l'époque, c'était Ernesto Guevara. Ernesto, mais alors il les a eu, ses diplômes de médecin ou pas? Ben oui, bien sûr. Vous qui avez fait un bouquin là-dessus. Bien sûr qu'il les a eu. Mais je ne sais pas pourquoi. Comme ils sont contre lui, alors tout est mauvais, même. Enfin, c'est ça les trucs. Non, mais en plus, il voulait être comme pasteur. Il voudrait être quoi? Il voulait être composteur. Composteur. Composteur. Non, comme récupère vos déchets. Porte des lilas. Comme des celui lilas qui a inventé le vaccin. J'ai comme, pas compris. Comme pasteur. Ah, comme pasteur. Ah, ben oui. Et vous êtes non, parce qu'il y a un métier en France qui est composteur. Non, c'est pas un métier d'ailleurs. Oui, composteur interprète. Auteur, composteur, interprète. Mais dans le train, que dans le train. Et c'est vrai que Che. Parce que j'ai lu votre livre, cher Marcella. C'est pas vrai, je l'ai pas fini encore. Mais enfin, je suis en train de le commencer. Moi, je l'ai fini, c'est excellent. Ah, et ben oui, parce qu'on en apprend évidemment sur la vision de Marcella sur le Che. Che, ça veut vraiment dire l'argentin, le Che? Non, Che, ça veut dire... c'est intraduisible. Ça veut dire... Si, Fugain a chanté Che, Lorette... Toi, comment dire, et toi. Ah bon, alors, donc, une interjection. Donc, et toi. Donc, dans Wikipédia, ils disent n'importe quoi. Alors, parce que là, ils disent que Che, ça veut dire l'argentin. Le Che, c'est l'argentin. Non, pas du tout. Non, on dit en argentin, pas simplement. Che, dame un vasito de Coca-Cola. Donne-moi un verre de Coca-Cola. Oui, thé. Ah, vous parlez bien argentin. Bah, et toi ? Non, elle a surtout soif. Il était vraiment beau, comme le disent certains. Ah, ouais. Ah, moi, je l'ai trouvé craquant, non ? Ah, ouais, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, ouais, il était pas mal, il était pas mal. Ah, ouais. Il avait quelque chose d'une certaine virilité du haut poil. Pas virilité. Non, il était plutôt beau comme un ange, non ? C'est comment le titre de votre livre ? L'été à mort. Ah, léché à mort. Encore un livre de cul. Ouais. Mais ton ange, c'est la transmission de sucer à fond. Olivier a un petit côté de chez, je trouve. Les cheveux, un peu, oui. Ah, ouais. Vous voyez. Pas du mais, tout. Mais Olivier, vous ne mettez jamais un béret, ça vous irait très bien. Non, bah, je vous remercie. Vous avez... Non, merci. Non. Avec un pompon de marin. Ouais, ouais. Oh, bah, moi, je vais toucher le pompon. Moi, j'ai porté, il va j'ai... me tuer là. Moi, je... Il a des fusils dans les yeux. Là. Non, pas du tout. J'ai porté le béret à pompons quand j'étais jeune. Ouais. Bah oui, forcément. Le bachi, ouais, j'ai porté ça. Ouais. Bah oui, oui. Et petite vareuse blanche. Ouais, petite pantalon à pont, braguette arrière aussi. Hein. Avec deux poches auto-vaslineuses et des claquettes qui font tutu. Qu'est-ce que c'est... Non, mais le marin vu par vous, c'est spécial quand même, les mecs. T'as jamais porté la coiffe des sœurs Tipiac ? Ouais. Mais Olivier, mais vous vivez dans une péniche ? Oh non, non, non, non. C'est son péniche qui vit sur lui. Ouais. Je suis moi-même un péniche. Vous aimeriez, Marcella, suivre Olivier sur son bateau ? Non, je veux rien. Écoutez, commencez pas à me gâcher la vie. Respectez-moi. Non, mais elle aimerait Marcella. Oui, je m'aimerais beaucoup. Oui. Marcella est délicieuse. Elle a un pull d'une beauté incroyable. Ouais, ça rappelle des bleus métalliques qu'on voit que dans les zones polaires ou des zones tropicales sèches qui est excessivement rare. Sinon, maintenant, continuez votre truc. Et vous avez vu le rimmel bleu qu'elle s'est mis, le mascara, ou je sais pas comment elle appelle ça, le eyeliner qu'elle a mis pour vous. Très beau. Je lui avais dit, il y a Olivier de Kersouzon. Mais jamais vous n'aimez, vous n'allez jamais avec quelqu'un. Non, j'aime pas être avec quelqu'un, j'aime bien être seul, moi. Ah ouais, moi aussi. Alors on pourrait être tous les deux seuls. Non, non, je... Ah, tu peux la foutre derrière dans le canot de sauvetage. Qu'est-ce que t'es chiant à être à 50 euros près, toi. Peut-être que vous pourriez commencer, chère Marcella, pour quand même, parce que c'est vrai qu'aller comme ça tous les deux sur un bateau directement. Non, mais je veux pas aller sur un bateau avec personne. Ça me paraît beaucoup, mais peut-être que vous pourriez commencer par un petit dîner. Vous inviteriez Olivier, en plus, c'est souvent seul à Paris. Non, mais dans une péniche, parce que je pense qu'il doit être beaucoup plus à l'aise avec des lots. Voilà, invitez-le sur une péniche. Bah, sur un bateau mouche. Non, une fois bourré, je suis plus à l'aise. C'est plutôt mouche. Avec du vin qu'avec de l'eau. On dîne sur les bateaux mouches. Non, ou sur un waterbed, tu l'invites. Ça existe encore ou pas, c'est escroquerie. J'aime bien les hommes solitaires, ça donne du charme aussi. Hein. Ah, vous voyez. Voilà. Donc je pense qu'avant, il faudrait que vous l'invitiez à dîner chez vous, chère Marcella, et que vous fassiez quelques petites spécialités culinaires dont vous avez le secret. La turlute, elle est tout faite. La turlute, elle est tout faite. Quel plat argentin vous savez faire que vous pourriez faire Aucun, parce que je suis végétarienne. Et là, c'est l'assado, alors du coup, je ne mange pas. Ah ouais, elle est végétarienne, Olivier. Je mange des huîtres parce qu'elles n'ont pas des sentiments. Mais ça, c'est pas vrai. Pour les mêmes raisons. Les huîtres n'ont pas des sentiments. Si, les huîtres ont des sentiments, tu rigoles. Bah, ouvre une huître en mettant de la musique, tu vas voir comment elle pleure. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu vas voir tout ce bord liseré, là, dans le fond de la coquille, avec un adieu déchirant et quelque chose de très troublant. Vous n'avez jamais vu un film troublant. Avec Alain Belon et Annie Gilardot ? Ouais. Non, mais tu sais faire les empanadas, tu sais faire ça, non ? Non. Tu sais rien faire, alors ? Non. Non, la seule chose que je sais faire, c'est écrire. Mais même, j'écris mal, en plus. Non, alors, ça, c'est pas vrai. Non, t'écris très bien, tout le monde dit du bien de toi. Moi, je ferme ma gueule, je pense de rien. De faire semblant de te trouver sympa, puis à la fin de l'enregistrement, je dirai ce que je pense. Ça sera peut-être pas obligatoirement agréable. Ça s'appelle la vengeance du couloir. RTL, première radio de France. RTL. Excellent après-midi à l'écoute d'RTL. Il est 17h. Et c'est... c'est le moment de faire un point sur l'actualité avec Mélina Fachin. Bonjour Mélina. Bonjour Peggy, bonjour à tous. Ça y est, la canicule est là. Météo France vient de placer 9 départements en vigilance orange en région parisienne et dans le nord. Cette grosse vague de chaleur va durer au moins jusqu'à jeudi matin. Le thermomètre atteindra les 33 degrés dans la capitale. Le niveau 3 du plan canicule avait d'ailleurs été enclenché dès ce matin à Paris et on vient de l'apprendre. Les véhicules polluants, ceux de classe 4 et 5 selon la vignette critère, seront interdits de circulation demain en Île-de-France. Demain, partout en France, le temps sera ensoleillé et très chaud, une chaleur éprouvante dans les grandes villes avec des averses possibles dans le nord-est et quelques orages sur les massifs de l'est et les Pyrénées, les températures de 13 à 22 le matin et de 24 à 36 l'après-midi, 24 à Brest, 29 à Nice, 31 à Lille et Bordeaux, 32 à Paris et Toulouse, 34 à Strasbourg, 35 à Marseille et 36 degrés à Nîmes. Dans le reste de l'actualité, le directeur de cabinet de l'Élysée est entendu en ce moment même dans l'affaire Benalla. Patrick Strodat répond aux questions de la commission des lois de l'Assemblée. Il explique qu'il a vu la vidéo du 1er mai dans laquelle Alexandre Benalla frappe des manifestants dès le lendemain, le 2 mai. Il a donc immédiatement reçu l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron. J'ai immédiatement convoqué l'intéressé et je lui ai demandé de me donner des explications. Il a reconnu sa présence sur les lieux et il a justifié son comportement, je cite, « pour aider les policiers pris à partie par des manifestants violents et qui ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre ». Je l'ai informé que sa participation à une opération de maintien d'ordre ne faisait pas partie de sa mission d'observation et que son comportement fautif était inacceptable et ferait donc l'objet d'une sanction. Patrick Strodat explique qu'il a lui-même décidé de démettre Alexandre Benalla de ses fonctions du 4 au 22 mai. Dans une heure et demie, c'est la directrice de l'IGPN, la police des polices, et qui sera interrogée. Puis ce sera au tour du directeur de cabinet de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, pour sa part, sera entendu dans trois quarts d'heure par la commission des lois du Sénat. Hier, il a déjà répondu aux questions des députés. Et puis, séance de questions au gouvernement musclé cet après-midi à l'Assemblée nationale. C'est la première fois qu'Édouard Philippe prenait la parole dans l'affaire Benalla. Il a estimé qu'il s'agissait d'une dérive individuelle et non pas d'une affaire d'État. Il a admis que la sanction infligée à l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron début mai n'était peut-être pas suffisante. Alexandre Benalla avait été coupé d'une simple mise à pied de 15 jours, mais le Premier ministre estime que la vitesse à laquelle le gouvernement a réagi n'est pas contestable. Bonsoir Vincent Parisot. Bonsoir Mélina. Dans RTL Soir, dans une heure, vous recevrez un invité de poids qui va sans doute nous en apprendre beaucoup sur cette affaire Alexandre Benalla. Eh bien oui, puisque vous l'avez dit, c'était encore une journée d'audition d'explications politiques musclées à l'Assemblée nationale, mais on va entendre finalement la parole d'Alexandre Benalla. Alors pas sa voix, mais celle de son avocat, l'un de ses deux avocats, maître Laurent Franck Thiénard. Il sera donc tout à l'heure, dans un petit peu plus d'une heure, l'invité d'RTL Soir. Il va peut-être nous éclairer sur ce qui a poussé son client à agir ainsi, et surtout peut-être nous dire comment il réagit face à la dimension que prend aujourd'hui cette affaire Benalla. Donc, maître Laurent Franck Thiénard, tout à l'heure, invité à RTL Soir à 18h20. Merci Vincent, à tout à l'heure. Dans le reste de l'actualité, le bilan des terribles incendies ne cesse de s'alourdir en Grèce. La région d'Athènes est en proie aux flammes depuis de longues heures. On dénombre désormais 74 morts. La plupart se sont trouvés piégés dans leur voiture ou à leur domicile. Direction maintenant, la ligne d'arrivée du Tour de France à Bagnères-de-Luchon. RTL, Tour de France 2018. La fin de cette 16e étape, la première dans les Pyrénées, approche. Il reste moins de 10 km, Christian Olivier. Exactement, les choses se précisent. Le sommet du Portillon à l'instant même franchi en tête par un coureur, le coureur britannique Adam Yates, avec 20 secondes d'avance sur le français Julian Alaphilippe, porteur du maillot à poids de meilleur grimpeur. Derrière, quelques coureurs qui ont fait partie notamment de l'échappée du jour avec Izaguirre, l'Espagnol, Mollema, le Néerlandais, Gesink, Pozzovivo également, et le peloton maillot jaune qui ne reviendra évidemment plus à 9 minutes. Pas de danger pour l'instant au classement général pour Geraint Thomas. Julian Alaphilippe a son mot à dire. Nicolas Georgerot, il est très fort ce soir, mais il y a d'autres coureurs également qui vont lui disputer la victoire d'étape dans la descente désormais du sommet du col du Portillon. Oui, exactement, c'est l'une de ses qualités, Julian Alaphilippe, ses qualités de descendeur. Il va peut-être pouvoir revenir sur Adam Yates alors qu'il n'y a à peu près que 15 à 20 secondes. Évidemment pour lui c'était l'objectif de marquer le plus de points possible au sommet du Portillon pour consolider ce maillot à poids de meilleur grimpeur. Il est en train de gagner son bras de fer avec Warren Barguil. Il est passé en deuxième position derrière Adam Yates et il est lancé à toute allure derrière le Britannique dans, dans les premiers hectomètres de cette descente du col du Portillon. Voilà pour cette 16e étape qui conduit les coureurs de Carcassonne à Bagnères-de-Luchon. Julian Alaphilippe peut tirer son épingle du jeu après sa victoire d'étape obtenue il y a quelques jours au Grand Bornand. Nous le saurons dans quelques minutes à peine sur l'antenne de RTL pour l'arrivée en direct, bien évidemment. Eh bien oui, merci Christian, merci Nicolas, on vous retrouve très vite. RTL, il est 17h05, RTL Soir, c'est dans une heure avec Vincent Parisot, mais en attendant, la suite des grosses têtes de l'été avec Laurent Ruquier et avec vous Peggy. Merci Mélina, et on vous souhaite une bonne soirée, on merci, vous dit à demain. Merci, à demain. Allez, on est reparti pour une heure, ça fait du bien. Qu'est-ce que c'est bon ça, deux heures de rire, tous les jours, 16h-18h. Les grosses têtes de l'été et Laurent Ruquier, retour le 9 octobre 2017. On va parler de cinéma, entre autres, avec Jean-Philippe Janssen. Peut-être un jour, vous ferez tourner Jean-Philippe Janssen, Fabrice. Tourner, comment ça? Je vais tourner, moi. Comme acteur, vous voyez, parce qu'il est acteur, il a joué dans un film de Danny Boone, déjà, oui, qui n'est pas sorti encore. Ah ouais, c'est bizarre. Se feront une idée au mois de février que ça sort. Ah oui, oui. C'est-à-dire qu'il a le bon accent pour tourner avec Danny Boone, avec moi, c'est autre chose. Hein. Oh, bah, je peux m'adapter. Hein. Et tu faisais. T'avais l'accent ch'ti dans le film ou... Au début de la scène, non, il y a un mystère, je parle comme ça, tout ça. Et après, très vite, ça dérape. Voilà. Et après, je prends l'accent ch'ti, oui. Gros rôle, on va vous voir longtemps ou pas longtemps? Non, c'est un petit rôle, mais c'est mon premier petit rôle au cinéma, c'est ça qui est important. Combien de temps on va vous voir? Il y a quatre scènes dans le film. Non, mais voilà. Que les gens sachent à quel moment ils sortent de la salle, quoi. Oh ouais, c'est quand c'est un peu fractionné, hein. J'interviens à plusieurs reprises dans le film, comme un petit happening. Donc vous êtes à peu près sûr d'être dans le film? Non, parce que parfois c'est vrai. Vu que vous êtes assis à la place de Monsieur Bénichou, en plus, ça se pourrait que finalement vous soyez déçu. Je voudrais pas qu'il vous arrive catastrophe en allant à la projection le jour Ne m'en remettrai pas. Où le film va être présenté, que d'un seul coup, vous dites, mais finalement, je suis pas dans le film. Ça pourrait. Ah, c'est possible que les dans le making of. Regarde, dans mon film, Titoff avait le rôle principal. Bon, je pose une petite question géographique, vous voulez? Ça j'aime bien, ça. C'est ma spécialité, en plus. Oh, la question pour monsieur Jean-Marie Louis Anatole, qui habite Aulnay-sous-Bois, est toute simple. Hein. Je vais vous demander de me rappeler le nom de la capitale biélorusse. Minsk. Comment vous savez ça, vous? Mais arrêtez de me prendre pour une connasse. Minsk, c'est la capitale. Eh ben, Minsk, alors. Bonne réponse de Caroline Diamant. Vous n'y croyez pas? Non, elle a été très vite, c'est surtout ça. Quoi. Oui, c'est étonnant. Non, on a sorti un truc au hasard et puis c'est tombé. Mais vous êtes hallucinant. Bon, j'étais pas sûr à 200% au moment où je l'ai dit. Pourtant, tu l'as fait. Mais je sentais qu'il y avait des chances. Mais c'est bien, Minsk, la capitale biélorusse. Ok, j'ai une question qui va permettre peut-être à Jean-Marie Louis Anatole d'Aulnay-sous-Bois de toucher et d'avoir une deuxième chance de toucher un chèque RTL, parce que la Biélorussie, samedi soir, à Varsovie, a gagné un titre. De quel titre s'agit-il? Les Miss en fauteuil roulant, les Andy Miss. Miss Monde Handisport. Miss Handicap. Bonne réponse de Fabrice Egoué. Eh oui, moi je savais pas que ça existait. 19 c'est pays. C'est la première fois, je crois. Ah, c'était la première fois. Oui. 19 pays ont concouru pour décrocher le titre de Miss Monde en fauteuil roulant. C'est une Biélorusse qui a été couronnée. Je vois que vous avez suivi ça avec intérêt. Le Miss Sourire. C'est pas vrai. Ah oui. Je suis beaucoup. C'est bien, c'est une belle idée. Il y a des fauteuils à talons? Non, mais écoutez, elles ont défilé en trois tenues, en tenue de soirée, en tenue de cocktail, en costume national, parce qu'évidemment, chacune représentait son pays aussi. Il fallait avoir un beau visage, mais c'est pas ça qui comptait. Ce qui comptait, c'était évidemment avoir des pneus neufs. Non. Je me désolidarise totalement de cette séquence. Non, mais les photos, elles sont magnifiques. Ouais. Trois très jolies femmes. C'est Croison qui était le président du jury et qui a désigné la gagnante à main levée. Bah voilà. Avoir un beau visage est important, mais ce qui compte. En général. Hein. Quoi en général? Si on veut gagner un concours de beauté, c'est quand même important. Oui. Ah oui, bien sûr. Ah, vous visez le concours de beauté, c'est pour ça que vous faites tant de... Ah oui, j'aimerais bien gagner dans la catégorie Botox. Jeune quadra. Tu vois? Jeune quadra. Moi, j'aimerais bien gagner dans la catégorie jeune quoi. Jeune quintal. Mais pourquoi Julien Babou? RTL Tour de France 2018, le prix Antargaz de la combativité. En direct de la 16e étape du Tour de France qui finit de conduire les coureurs de Carcassonne à Bagnères-de-Luchon. À l'instant même, le prix de la combativité vient d'être décerné au coureur belge Philippe Gilbert de la formation Quickstep. Gilbert qui aura été l'un des coureurs échappés de la journée, mais surtout qui dans la descente du Portet d'Aspet aura fait un tout droit, basculant dans le ravin à quelques mètres plus bas, aurait pu chuter grièvement, très grièvement. Il est revenu sur la route, il est remonté sur sa bicyclette, il va terminer l'étape, mais ce prix de la combativité lui revient tout à fait logiquement. Philippe Gilbert, prix de la combativité, coureur de la formation Quickstep. L'arrivée en direct, les deux derniers kilomètres après ceci. RTL Tour de France 2018, le prix Antargaz de la combativité. RTL Tour de France 2018. L'arrivée en direct avec Christian Olivier. Et en compagnie de Nicolas Georgerot qui va nous confirmer qu'il y a un seul coureur désormais en tête. Il est français, Julien Alaphilippe, qui pourrait s'adjuger la victoire d'étape au débit de la chute dont a été victime l'homme de tête, le Britannique Adam Yates. Un seul homme en tête, Julien Alaphilippe, Nicolas. Oui, Julien Alaphilippe, 1,9 km, il est en train de retrouver des routes plus planes, surtout il est en bas de la descente de ce col du Portillon, des routes aussi plus larges, et il va donc pouvoir aussi savourer ce deuxième succès sur ce Tour de France 2018 après s'être imposé au Grand Bornand. Il va commencer, il serre les dents, évidemment il est en train de comprendre petit à petit qu'il va s'imposer aujourd'hui à Bagnères-de-Luchon, alors que Adam Yates, dans un virage à gauche, avait donc chuté, sa roue avant s'est dérobée, et ensuite Julien Alaphilippe l'a doublé dans sa descente du Portillon. Quelle incroyable étape, perturbée au début de journée par les manifestations d'agriculteurs, puis l'incroyable chute spectaculaire de Philippe Gilbert dans la descente du Portet d'Aspet, là où le malheureux Fabio Casartelli avait trouvé la mort en 1995. Puis c'est au sommet de Mante que Julien Alaphilippe a construit sa victoire, passant en tête, confortant son maillot à poids de meilleur grimpeur et profitant de la chute de Adam Yates dans la descente de cette dernière difficulté au moment où Julien Alaphilippe, Nicolas Georgerot, passe sous la bande en annonçant le dernier kilomètre. 900 mètres, il est en train de parler à l'oreillette, évidemment on commence à le féliciter dans l'oreillette avec notamment le directeur sportif qui est en train de lui parler, de lui donner les derniers mots avant de pouvoir savourer à moins de 700 mètres de la ligne pour Julien Alaphilippe, qui en plus a consolidé aujourd'hui son maillot à poids de meilleur grimpeur, puisque Warren Barguil a craqué dans les deux dernières ascensions, notamment le col de Monté et le col du Portillon. C'est le Tour de France de Julien Alaphilippe, c'est le français Julien Alaphilippe le plus en vue dans ce Tour 2018, vainqueur entre Annecy et le Grand Bornand, porteur du maillot à poids de meilleur grimpeur, pétri de talent, et malgré une équipe Quick-Step polyvalente qui jouait peut-être pour d'autres coureurs, eh bien Julien Alaphilippe, grâce à son talent, à sa force de caractère, eh bien est en train de marquer de son empreinte le Tour de France 2018, l'un des ultimes virages sur la gauche pour sa deuxième victoire d'étape, Nicolas Georgerot. Les 100 derniers mètres, il va pouvoir lever les bras, il a déjà commencé à savourer. Il se relève, Julien Alaphilippe, il savoure avec le public, il lève les bras et il s'impose donc ici à Bagnères-Luchon. Quelle est belle cette victoire de Julien Alaphilippe qui va passer devant nous, tout sourire, top, c'est fait, la ligne est coupée. Belle victoire de Julien Alaphilippe ici au terme de ces 218 km qui conduisaient les coureurs de Carcassonne à Bagnères-Luchon, alors que les autres coureurs vont se disputer les ACC, Nicolas. Avec notamment Gorka Izaguirre, le champion d'Espagne, qui est en train de devancer Adam Yates et Pau Mollema qui va finir quatrième. Donc voilà pour les coureurs derrière, Gorka Izaguirre, Adam Yates et Pau Mollema pour faire 2, 3 et 4 de cette étape. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant, mais pour l'instant seulement sur l'antenne de RTL à l'issue de cette 16e étape remportée par le français Julien Alaphilippe. Superbe victoire de Julien Alaphilippe, sa deuxième victoire après celle obtenue entre Annecy et le Grand Bornand. Le peloton maillot jaune avec une petite dizaine de minutes de retard, sauf accident, restons prudents car il y en a eu des chutes ce jour sur les routes du Tour de France. Et bien Guérin Thomas devrait conserver son maillot jaune de leader. Prochain rendez-vous RTL Tour de France dans le journal de 18h. Des rencontres sur Internet? Oui, je sais que ça se fait, mais je ne saurais pas par où commencer. Allez sur Internet, connectez-vous sur le site disondemain.fr. Découvrez des personnes qui vous ressemblent. C'est facile sur disondemain.fr, le site de rencontre des jeunes de plus de 50 ans. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant. La Terre des Morts, le livre événement de Jean-Christophe Granger. D'un côté, un assassin fou qui oblige des stripteaseuses à se donner elles-mêmes la mort selon des rites SM. De l'autre... Commandant Corso, brigade criminelle, j'ai quelques questions pour vous. Un flic déglingué qui n'a pas encore compris que la peine de mort a été abolie il y a longtemps. Lequel des deux prendra le plus de plaisir à éliminer l'autre ? La Terre des Morts, le nouveau Granger. Jamais un polar ne vous aura autant torturé de plaisir. Un suspense Albin Michel. Et c'est le moment de faire un point sur les courses du jour qui ont lieu à Compiègne avec Claude-Pierre Santi. Bonjour Claude. Bonjour Peggy. Peggy, je vous rappelle que le quintet du jour a été gagné par Linardo, monté par Alexis Badel. Combinaison gagnante, 10, 2, 11, 8 et 12. La huitième et dernière course à Compiègne, Parcival s'est imposé de bout en bout. Il portait le numéro 1, 4, 10 gagnants à 50 placés. Deuxième place pour le 6, Swissman, 2, 10. Troisième, le 7, Square 7, 1, 60. Quatrième place pour le 3, Speed of Stout. Demain, il y a des courses à Enghien, donc que sur le 32-10 et le Citan refait les courses, on retrouve l'intégralité des courses de la réunion d'aujourd'hui à Compiègne et les pronostics pour le quintet de trot de demain. Merci Claude, à demain. On repart avec les grosses têtes, ce sont les grosses têtes de l'été, Laurent Ruquier, les meilleurs moments. Alors retenez bien, c'était le 19 octobre 2017. Je vous donne la date parce que c'est important. Et à ce moment-là, Ariel Dombal dansait, oui oui, dans Danse avec les Stars. C'est dur alors Ariel, c'est dur. Bon, je dois avouer que c'est très dur parce qu'on est enfermé 6 à 7 heures par jour dans un studio à faire que de la danse et on apprend des tas de choses. Moi j'apprends j'apprends, mais oui, le paso doble, la rumba, le calypso, la danse viennoise. Non, c'est pas la peine de ne pas mettre l'accent. Tu peux dire la rumba, le calypso, on comprend. La rumba et le tango, c'est bien. Claro que si. Ça vaut pas le slow. Non, il faut t'arrêter. Il y en a un, le malheureux, qui a voulu faire une première aussi. Oui. Il est tellement emmerdé, Weinstein. Hein. Oui, il a voulu c'est vrai. Tourner dans Baise avec les Stars. Oui. Elle est bonne. Elle est très bonne. Lui, c'est pas le passe au dop, c'est la passe double. Ils veulent vous faire changer de chaussures aussi. Ah, j'ai vu ça, elle est compensée. Mais c'est ça, j'ai été pénalisée parce que j'ai dansé. Il avait qu'à prendre Chantal, elle n'aurait pas eu des chaussures compensées, c'est non, sûr. Non, il faut y aller en tennis. Ou en... Mais j'avais des tennis compensés. Non, mais il alors, faut... Moi, depuis que j'ai vieilli, j'ai mis des pénis compensés aussi. Ça ne marche pas aussi bien. Et les filles me disent, mais il n'y avait pas le pénis compensé. Pierre, faites attention en ce moment avec ce genre de blague. On ne veut pas une nouvelle affaire sur le dos. Hein. Non, pas RTL. Pas Pierre Bénichou. Non. Parce qu'il y a des dames au premier rang qui déjà se sentent harcelées par vous, Pierre. D'ailleurs, on a ouvert la porte. Vous vous sentez harcelé ? Vous aimez ça ou pas ? Il y a même des nanas qui sont venues avec leur avocat direct. Ah non, je vous conseille, mesdames, au premier rang, si vous voulez pas être harcelé par Pierre Bénichou, passez au deuxième directement. Ouais. Et mettez un jean. Ou mettez un pantalon, je sais pas. Non mais madame a le droit de venir avec une robe tout de même, Pierre. Oui, c'est mieux que sans. Oui. C'est vrai. Non mais maintenant, c'est absolument incroyable. L'autre jour, il y a une fille qui me dit qu'elle est sortie avec un type et que le type a cru que c'était parce qu'il avait invité à dîner et tout ça, qu'il était normal. C'était gagné. Et elle me dit, pourtant, j'avais quand même pas de jupe. Mettre une jupe, ça veut dire c'est d'accord maintenant. Mais non, enfin, mais oui, non, oui, vous oui, n'avez oui, pas oui, compris. Sinon, demandez à la dame, là, au premier rang, alors. Oui, mais elle est avec son fiancé. Par contre, il a mis un kilt, donc il est d'accord. Non, mais c'est vrai que les filles hésitent à mettre une jupe ou une robe quand elles sortent pour la première fois avec un type, parce qu'elles se disent... Pas Ariel. Ariel, je vous ai vu en mini-jupe. Ariel, elle est immatérielle, Ariel. Ah oui. Elle est immatérielle, Ariel. Aucune d'entre nous n'est en jupe. Non. Aucune d'entre nous. On veut venir ici. Ça nous arrange. Hein. Non, mais c'est tellement délicieux de mettre des jupes, des petites robes, des baguettes. Enfin, ah oui. Mais oui, c'est délicieux. Ouais, hein. Il faudrait qu'elle c'est la grande frustration de ma vie. Il faudrait qu'il faut cueillir qu'est-ce qu'il y a pour la remplir à l'intérieur. Ben voilà, c'est ça. Tu mets un couteau à huître à l'intérieur d'une jupe, ça fait jamais une gonzesse. Oui, on n'a pas bien compris. En tout cas, Pierre... Elle a raison. Là, je veux pas dire, mais elle a raison. Oui, oui, mais en fait, soulever une jupe, ça reste un plaisir délicieux. On va pas s'en priver. Pour qui ? Ben pour tout le monde, pour l'homme qui la soulève et pour la fille qui a la jupe soulevée. Oh ben ça dépend si elle est effectivement, on va dire, d'accord ça ou pas. Ça dépend par qui. Mais quand elles sont d'accord, c'est pas marrant. Demandez à Laurent Baffi et à Nolwenn Laurent. Ah, tiens, une première citation pour Monsieur Pierre Luce qui habite Montrepas, c'est dans les Yvelines, qui a dit « Je déteste les sirènes d'ambulance. C'est normal, ma femme m'a quitté pour un ambulancier et chaque fois que j'en entends une, j'ai peur qu'il me la ramène. » On dirait du Pierre Doris. Non. Non, c'est Jean-Yann. C'est américain. Américain. Woody Allen. Woody Allen, non. George Burns. George Burns, non. Il est mort. Mark Twain. Mark Twain, non, il est vivant. Il est vivant. Comédien. Comédien, scénariste. Shakespeare. Dialoguiste. Shakespeare, vous avez dit. Ah, il n'est pas américain, non. Il Shakespeare, plus... il n'y avait pas d'ambulance à l'époque de Shakespeare. Et Scorsese. Il est mort, non, Shakespeare. Oui, il est mort, je vous confirme, oui. Stand-upper. Stand-upper, pas tout à fait, plutôt scénariste, réalisateur. Stephen Wright. Stephen Wright. Bonne réponse. Je l'oublie toujours, celui-là. De Florian Gazon. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida a se super modernizar. Ela só samba escondida, que é pra ninguém reparar. Eu cultivo rosas e rimas, achando que é muito bom. Ela me olha de cima e vai desinventar o som. Passo de um concerto de flauta e não me desperta emoção. Ela quer ver o astronauta descer na televisão. Mas o tempo vai, mas o tempo vem. Ela me desfaz, mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça é a tal da janela que eu me cansei de cantar. E agora está só na tela, botando só pra quebrar. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? Do lado esquerdo do peito, no fundo ainda me quer bem essa moça. Du soleil aux couleurs du Brésil avec une des plus grandes figures de la musique brésilienne à l'instant sur RTL, Chico Buarque et sa moça ta diferente. RTL, les grosses têtes de l'été. Laurent Ruquier. Bonjour, c'est Thomas Hugues. Bonjour, c'est Sidonie Bonnec. Vous saviez que le soleil rendait encore plus curieux ? On vous souhaite un très bel été sur RTL. Le chassé-croisé des vacances bat son plein chez Feu Vert. Jusqu'à 100 euros de carburant offert pour l'achat et la pose de pneus Continental. Pose experte garantie. Voir conditions sur feuvert.fr. Lidl, partenaire de l'équipe Quickstep pour les produits frais. Allô patron, bah là, chez Lidl... T'arrêtes de chipoter là. Eh ben justement, en ce moment, les douches chipolata aux herbes, ils les font à 3,99€. Moins de 4 euros, moins 20% les chipolatas. Ah oui, ça fait 34 centimes la chipolata de porc, origine France. Alors pour notre barbecue, ça serait... Oh la barbe, j'annule le barbecue. Ah bah je suis mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Barquette de 660 grammes, 6,05€ le kilo, produit transformé en France. Offre valable jusqu'au mardi 31 juillet. Pour votre santé, bougez plus. Pour découvrir les chanteurs de demain, une maison de disques a eu une idée incroyable. Amener de parfaits inconnus à leur insu à se produire en public. Piégés et filmés en caméra cachée, ils vont passer une audition secrète. Qui va voir sa vie changer en signant un contrat avec cette maison de disques alors qu'il ne se doutait de rien ? Audition secrète, présentée par Éric Antoine et David Ginola, c'est ce soir à 21h sur M6. Même pendant l'été, Citroën reste toujours à vos côtés. Venez découvrir Citroën C3 graphique avec Pack Safety et Mirror Screen sur tablette tactile 7 pouces à partir de 12 590 euros grâce à la prime reprise Eco-Inspired. Citroën. Offre sous conditions de reprise cumulable à la prime à la conversion de l'État, valable jusqu'au 31 août. Détails sur service-public.fr et citroën.fr. Excellent après-midi à l'écoute d'RTL et les grosses têtes de l'été et Laurent Ruquier jusqu'à 18h. Quel couple d'acteurs s'est rencontré sur le tournage du film Les Amants du Capricorne? Lauren Bacall et Humphrey Bogart. Pas du tout. C'est un remake? C'est américain, c'est américain. Ce n'est pas américain. Les Amants du Capricorne, c'est vrai qu'au départ, c'est un film d'Hitchcock. Ouais. Je sais, c'est Wang Tu Wong et Ba Chu Ki. Deux acteurs chinois qui ne sont pas très connus, mais qui étaient figurants sur le film et qui se sont rencontrés. Les Amants de Capricorne. Ouais. Est-ce qu'ils sont encore ensemble? Ils sont toujours ensemble. Et ça fait combien d'années? Alors, il faut quand même que je vous dise que dans Les Amants du Capricorne, le film anglais réalisé par Alfred Hitchcock, c'était Ingrid Bergman qui jouait. Mais il y a eu un autre film, d'où le piège, qui s'appelait aussi Les Amants du Capricorne. Anglais aussi? Et sorti en quelle année? Vous pourriez nous dire? Le remake date des années 80. Et c'était des Américains? Non. Des Anglais? Des Anglais, non. Des Français? Des Français, non. Ils sont Italiens? Italiens, oui. Rocco Siffredi et sa femme? Sophia Loren. Rocco Siffredi et sa femme. Bonne réponse! Bravo. De Florian Gazan. Ah, moi, je crois qu'ils s'étaient rencontrés sur un compte au loin. Non? Rocco Siffredi et son épouse Rosa Carcacciolo, ancienne Miss Hongrie, actrice porno, elle aussi. Ah, bah oui. Si elle l'a rencontrée, oui. Se sont rencontrés l'un et l'autre sur le tournage du film Les Amants du Capricorne. Du Cupricorne. Une parodie du film d'Alfred Hitchcock. C'est sur ce tournage que l'un et l'autre sont tombés amoureux. Évidemment, on l'apprend, entre autres, dans le documentaire qui sort aujourd'hui sur Rocco Siffredi. Je ne sais pas si vous avez vu les titres de la presse qui s'en donnent à cœur joie. C'est dithyrambite. les journalistes, mais alors ils en font. Alors par exemple, Le Parisien, c'est un peu raide ce Rocco. Vous voyez, c'est bon, le titre du film. Le Canard Enchaîné, c'est Rocco, le diable m'habite. Oui, très bien. Même Le Monde s'y met. Le Monde, les talons italiens passent à confesse. Vous voyez? Ah oui. C'est joli. Il n'y a pas pour qui sonne le gland, non? Rocco et ses couilles. Et pour 20 minutes, ils ont mis Rocco obsédé docu. Ça, c'est le plus joli. Puisque c'est un documentaire, évidemment. C'est un long métrage. Alors, on nous rappelle d'ailleurs que son tennis n'est pas si grand que ça. Son tennis. Oui, moi j'ai compris tennis aussi. Oui. Mais il a fait un pénis elbow à une époque. Il n'est pas très long, mais il est très large, un rôti de veau encore. C'était 26 centimètres, c'est grand. Mais au rôti. 24 centimètres, c'est pas terrible. 30 au repos. 30 ans de carrière, 5000 partenaires. Il a failli y avoir, au début de sa carrière, un accident avec le clap. Vous savez, c'est ce truc qu'on fait. Avant de dire tourner, clac, on veut dire. C'est pour ça qu'il est passé de 26 à 24. Ouais, ils ont dit couper, ouais. Mais 26, il y a 200 semaines de moins. Cela 24, dit, l'espèce, hein, moi je suis allé voir quand même à quoi ressemblait. Ah bon? C'est très gros. Non, mais je vais vous dire, alors ça dépend aussi de l'ordinateur que vous utilisez, si vous avez un grand écran. Mais moi, j'ai regardé sur mon téléphone et c'est pas terrible, finalement. Alors, Rocco, ce documentaire signé Thierry Demézières et Alban Terlal sort aujourd'hui. Ça dure 1h43, quand même. C'est long. C'est long. C'est un long métrage. C'est pas du précoce. Vous savez pourquoi les femmes ont tellement de problèmes à faire des créneaux dans les villes, en bagnole? Allez-y. Parce que les hommes ont toujours voulu leur faire croire que ça, je montre avec les doigts, genre 10 cm, c'était 20 cm. Vous l'avez déjà vu, vous, en vrai, Rocco Siffredi, Christina Cordula? Non, je ne le connais pas du tout. J'ai bien évidemment, je sais qui c'est, mais ça ne m'intéresse même pas de regarder pour moi. En chair j'aime et en pas os. Les films porno comme ça. Ouais, mais elle a mieux à la maison, je pense que, vu ce que vous êtes en train de dire, mon diagnostic... Oui. c'est que vous avez tous des petites filles. Tu peux le voir à c'est Paris. C'est que 24 cm, c'est quand même du matériel. Bah ouais. Et si c'est large, comme ça, épais, comme mais tu oui. dis, ma chérie, eh ben, écoute, c'est quelque chose que... Bah ouais. Attends, ça t'étouffe. Bah non, mais c'est pratique. Ça t'étouffe. Moi, ça je trouve touffe. Que ça t'étouffe. Ça t'étouffe aussi. C'est vrai que ça me touffe. Ça étouffe la touffe. RTL. Les grosses têtes de l'été. Laurent Ruquier. Conforama, le confort pour tous. En ce moment, chez Conforama, il y a 10 euros offerts en bon d'achat par tranche de 100 euros d'achat sur tout le magasin. Oui, tout. Alors profitez-en vite, c'est seulement jusqu'au 13 août. Conforama, conditions en magasin et sur conforama.fr. Alors tu vois chérie, moi je verrais bien un nouveau parquet dans le salon, une belle cuisine équipée puis un grand dressing bien agencé. Ça va faire beaucoup, non ? Mais t'inquiète pas, en ce moment et jusqu'au 30 septembre, si on ouvre un contrat d'énergie EDF, eh ben on profite de 15% chez son partenaire Castorama. Ah d'accord. Quand on change de logement, on a besoin d'un petit coup de pouce. C'est pourquoi EDF vous accompagne et vous simplifie la vie. Appelez le 3004. Service et appel gratuit. Offre soumise à condition, disponible sur particulier.edf.fr et valable sous réserve de souscription à la carte de fidélité Castorama, offerte la première année. Non cumulable avec toute autre remise. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Une envie de Peugeot, ça n'attend pas. Vous avez vu ? Depuis que vous vous êtes offert la très chic et ultra personnalisable Peugeot 108 avec toit découvrable et navigation sur écran tactile, vous avez beaucoup d'amis qui vous proposent une après-midi shopping au volant de votre 108. En ce moment, la Peugeot 108 est à partir de 7 990 euros. Offre non cumulable sous condition de reprise de votre véhicule, prime à la conversion de l'état déduit, détails sur offre.peugeot.fr. Le grand jeu RTL de l'été. Et jusqu'au 5 août, on vous offre plein de cadeaux sur RTL. Parmi les cadeaux, vous pouvez repartir avec des MacBooks, des iPhone 10, des téléviseurs 4K, des voyages d'exception avec Salin Holidays, des week-ends de détente, des chèques d'une valeur de 1000 euros. Bref, on vous gâte. Alors, vous allez pouvoir jouer et passer à l'antenne d'ici une vingtaine de minutes pour tenter de gagner soit un robot cook expert de Magimix exceptionnel ou alors un superbe voyage d'une semaine avec Eliad sur les traces du film Mamma Mia 2 qui sort en salle d'ailleurs demain. Inscrivez-vous pour jouer dès maintenant. Vous nous appelez au 3210 ou alors vous envoyez été par SMS au 74 900. Bonne chance à tous. Retour des grosses têtes, ce sont les meilleurs moments jusqu'à 18h sur RTL, les grosses têtes de l'été et Laurent Ruquier. RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Jean-François Tupponi est au téléphone. Bonjour monsieur Tupponi. Bonjour Laurent. Vous êtes à Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire. Oui, c'est ça. Oui. Et vous écoutez les grosses têtes tous les après-midi, chez vous, tranquille, à la retraite ? Oui, je suis à la retraite, là, oui. J'en étais sûr. 62 ans, je me suis dit. Ouais. C'est ça. Il est à la retraite. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être à la retraite ? J'étais dans un bureau d'études. Dans un bureau d'études ? Bureau d'études d'outillage, oui. D'outillage. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, c'est vous qui réfléchissiez aux nouveaux marteaux que le roi Merlin ou Bricomarché allait mettre très, très vite en vente. Oh, ils étaient plus gros, ces outillages qu'on réfléchissait. Ah, des gros marteaux, alors. Des gros outillages, oui. Des gros outils. Gros marteaux piquets. Ne t'excite pas, Jean-Phi. Jean-Phi Janssen, dès qu'il entend parler de gros outils... On ne le tient plus. Ah oui. On ne le tient plus. Jean-François Tupponi va donc jouer contre les grosses têtes. Pour partir où ? Vous voulez savoir, Jean-François ? Ah bah bien sûr. Et je suis sûr que vous avez envie de partir tranquillement sur un bateau avec des amis... Pendant toute une semaine, sur une des bases de départ françaises, il y en a 26 bases de départ, sur le boat. Rivière, canal de votre choix, Camargue, Charente, Bretagne ou Languedoc. Vous choisirez évidemment votre région. Canot, rivière, pour prendre vos repas, vous arrêterez avec votre bateau tout seul, car vous aurez appris évidemment à le conduire, votre bateau. En 20 minutes, vous saurez comment faire. Vous n'avez même pas besoin de l'arrêter, il va tellement lentement que... Ce sont des vacances extraordinaires, très originales en France. Allez voir sur www.leboat.fr. Le boat. C'est vous qui serez capitaine, Jean-François, en tout cas. Ah, c'est bien. Ouais. La question concerne, car je sens que j'ai un lettré au bout du fil, le salon du livre. Alors, on l'appelle plus le salon du livre. Hein. Il paraît que maintenant, on doit dire Livre Paris, c'est le nom du salon. C'est Porte de Versailles, c'est la 38e édition, 1200 exposants, 3000 auteurs qui vont venir dédicacer. J'imagine que Franz-Olivier Gisbert y sera. Non, j'ai tous les salons du livre, sauf à Paris. Il y a trop de monde. Ah, il y a trop de monde ? Il y a trop de monde. Ah bah, c'est insupportable. Et pourtant, vous avez trop de public, monde. Vous avez des fans. Bien. Bah oui, mais justement, on parle province. Même pas avec les gens quand on signe. En province, on fait on a juste le temps. Sa signature. Et, en province, on a le temps. Olivier, moi, j'aime bien parler. Vous avez signé vos livres, non? Ah non, j'ai jamais fait ça. Moi. Ah, vous faites pas ça non plus. Isabelle, peut-être votre dernier livre. Bah non, parce que le mien, il sort en poche. Et alors bah, tu signeras plus petit. Eh ben. Jean-François, vous avez eu le temps de taper Salon du Livre sur votre ordinateur, j'imagine. Bien sûr. Et donc, vous savez quel est le pays invité du Salon du Livre évidemment. Cette année? C'est pas la Russie? La Russie, ouais. C'est gagné. Je vous conseille pas d'aller en Angleterre en ce moment. C'est sûr. Les pubs qui sont dangereux. Vous avez vu les espions russes encore hein, là, c'est fou quand même. C'est génial. Je pensais pas que ça existait encore les espions. Moi. Mais Poutine, il est fou. Il a pas besoin de faire ça. C'est incroyable. Il tue son opposant Nemtsov à côté du Kremlin. Là, c'est forcément ça remonte jusque. Jusqu'au Kremlin, un truc comme ça. C'est vous qui le dites, Fougiof. Oui, vous avez un trouille, hein, tout le monde a la trouille maintenant. C'est un truc qui est fait pour faire la trouille. C'est comme James Bond encore, hein, ça tue des espions. Complètement. Je suis sûr qu'ils ont des microfilms dans leurs culottes et tout ça. Là, comme non, c'est fini ça. Je suis sûr qu'ils ont des capsules de cyanure dans la dent. Ouais. Si, qui font ça clac. Vous, en plus, vous ressemblez un peu à Daniel Craig. Oui, on l'a déjà dit. Et même à Poutine. Entre nous, vous pourriez jouer Poutine à l'écran. Il va être content, Poutine, quand il va entendre. Poutine avec l'accent ch'ti, ça va être sympa. On va au Kremlin. On va au Kremlin. Non, mais faut pas le dire trop parce que Poutine va être tellement humilié que tu vas t'en prendre une. Ah oui, un Poutine gay. Oui, Daniel. Oh, je le vois. Donc. Et vous avez des chouchous, Jean-François, vous parmi les grosses têtes? Oui, je dirais Gérard Jugnot. Ah, ben il n'est pas là, Gérard, aujourd'hui. Ouais, oui, c'est ce que j'ai demandé là. Ah, mais si vous voulez qu'on vous offre deux places pour aller applaudir Gérard Jugnot et Isabelle Mergaud, alors là, Isabelle, vous feriez bien ça tout de même. Oui. Ah, bon. Mais vous aimez voulez, bien. Vous voulez venir voir la pièce ou pas? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Mais vous aimez bien Isabelle ou pas? Parce que sinon, ça peut être un soir où elle jouera pas. Non, non, les deux. Ah, Isabelle Mergaud et Gérard Jugnot dans La Raison d'aimer, c'est au théâtre des Nouveautés. Ah, vous savez aussi pourquoi là, Gérard Jugnot? Parce qu'on m'a souvent dit que je ressemblais à Gérard Jugnot. Ah, c'est vrai. Ah, bah, alors, maintenant que vous me le dites, on vous voit pas, mais il y a un truc, il y a quelque chose. Mais ce qui nous ferait plaisir, c'est qu'à la fin de la pièce, vous alliez le dire à Gérard. Je suis sûr que ça lui fera plaisir. Et votre femme ressemble pas à Isabelle Mergaud? Non, je suis divorcé là. Bah c'est tout comme. Voilà. Bah peut-être qu'une place suffit finalement, si les divorces. Oh, bah si vous en avez deux. On peut partir à combien sur le boat? 4 à 4. À 4. Ah, bah, enfin, quand tu ressembles à Gérard Jugnot, t'emballes, hein, forcément. Hein. Il va être content, Gérard. Pour le rencontrer un jour, ni grande raison pour m'aider à voir l'amour. Ah, ah. Besoin de personne quand je me suis fait ma loi. Besoin de personne quand elle est venue vers moi. Je crois que j'ai dit oui, oui. Et je l'ai conquis toute seule. Il m'a offert toutes ses nuits. Je crois que j'ai tout pris, que j'ai tout pris. Besoin de personne pour choisir le chemin de ma vie. Besoin de personne. Je suis fait ma loi. Besoin de personne quand elle est venue vers moi. Oh, vers moi. Déjà, je l'ai conquis toute seule. Il m'a offert toute sa avoir l'amour. Qu'est-ce que c'est beau! Vous avez certainement reconnu la voix et l'harmonica de Christophe Maé et Véronique Sanson, évidemment. Besoin de personne, c'est le premier extrait de l'album Duo Volatile, où Véronique Sanson revisitera à la rentrée tous ses tubes en duo avec de jeunes artistes. RTL, les grosses têtes de l'été. Laurent Ruquier. En juillet chez Ford, une offre incroyable envahit les concessions. La Ford K+, la plus spacieuse des citadines, est à seulement 7 550 €. Profitez-en, il n'y en aura pas pour tout le monde. Pendant les Ford Days, la nouvelle Ford K+, avec 5 vraies places et limiteur de vitesse, est à seulement 7 550 €. Les Ford Days, c'est chez Ford. Prix maximum d'une nouvelle Ford K+ Essential 70 chevaux, incluant la prime à la conversion de 2 000 € sous condition de reprise d'un véhicule éligible. Offre valable jusqu'au 31 juillet, voir Ford.fr. Et on repart en grosse tête, les meilleurs moments avec Laurent Ruquier. C'était le 2 octobre 2017. Il y avait ce jour-là Pierre Bénichoux, Christina Cordula, Christophe Beaugrand, Valérie Mérès, Jean-Jacques Perroni et Olivier de Kersauzon. Et un autre mot apparu dans la presse ce matin, et là pareil, je vais vous demander où on a vu le plus de mossos ce week-end. Mossos, est-ce que c'est en Espagne? Oui. Alors ça fait partie de quoi? Ce sont les gens qui sont allés voter? Alors ce ne sont pas les gens qui sont allés voter, c'est quoi les mossos? Ah, c'est ceux qui ont empêché les gens de voter et qui s'étaient mis devant, quoi. Alors non, justement. Ce sont les mossos, ça veut dire... Mossos, c'est des gens. Mossos, ça veut dire, morveux. En espagnol et en brésilien, c'est les gens. Le gars, la personne, c'est les ça. Les gens, ça quoi, voilà. Ça, les gens. Comme voilà. Dirait Mélenchon. Alors c'est les des gens qui partent. Des gens qui veulent voter, c'est des gens qui sont catalans, qui veulent justement être indépendants. Alors est-ce que ça désigne des catalans ou des espagnols? Ah non, ça désigne des catalans. Ça désigne ceux qui étaient pour que la Catalogne soit indépendante. Non, c'est plus précis que ça, les mossos. C'est le groupe des gens qui militent pour la Catalogne. Non, c'est la Catalogne, non, non. La Catalogne est libre. Ah bah alors. Les mossos, c'est les flics qui étaient là pour faire régner l'ordre et qui en fait étaient quand même pour la Catalogne libre. Oh, c'est compliqué. Donc là. Ils ont été sympas. Bonne avec les réponse gens. De Valérie Mérès. D'accord. Ah, eh oui. Les alliés de l'intérieur, en mais quelque parce sorte. Mais il y avait deux sortes de policiers, voilà. Évidemment, ce week-end, ah, oui. À Barcelone et dans toute la Catalogne. Il y avait ce qu'on appelle la Guardia Civil, qui est évidemment la police gouvernementale espagnole, tandis que les Mossos, c'est la police catalane. À ne pas confondre avec les Machu Cambos. On adore. Et les Mossos, eux, ils se sont refusés, évidemment, à employer la force pour empêcher la tenue du vote. Du votos, si vous préférez. Non, mais il y a bien un sens à ce mot. Mossos, bah oui, mais ça veut dire les gens, ça veut agent. Dire les gars. Mossos, ça veut dire agent. Non, ça ne va pas dire ça. Oh, bah, écoutez. Mais non, chérie, ça ne veut pas dire agent. Je dis ce qui est écrit. Mossos, c'est les gens, c'est les gars, c'est un groupe de gens. Et Mossa, c'est un grand groupe de filles. Mosso, agent, voilà, c'est écrit. Voilà. Enfin, en gros, c'est moi qui ai donné la bonne réponse. C'est ça, ma chérie. Vous êtes pour les indépendantistes en Bretagne, monsieur Perroni? Bon, pourquoi pas si on vire les Français? Ah, c'est vrai, vous voulez rester entre bretons là-bas? Il y avait un slogan du FLB, je parle très mal breton, c'était Halaouet d'Hermès. Ça voulait dire français dehors. Ah bon? Oui. Mais vous ne vous considérez pas comme français? On a l'impression que c'est de l'arabe ce que vous venez de nous dire. Mais le breton ressemble. Ah oui, redites-moi la phrase. Halaouet d'Hermès. Putain, il y a quelqu'un qui me dit ça dans une gare, je me planque. Vous pourriez parler breton avec M. Perroni, M. de Kersauzon? Il ne parle pas breton. Mais je ne parle pas breton. C'était interdit quand j'étais petit. Ah moi. Oui alors, je suis déçu alors. Pas moi, je m'en fous complètement. Non mais je pensais que vous alliez pouvoir entretenir une conversation avec... Mais je vous dis, je ne parle pas breton. Ouais, je ne pourrais pas avoir une conversation avec un mec qui ne parle pas, même si je l'aurais parlé. Hein? Eh oui, il a raison. Quoi? Non. Vous l'avez dit. Ouais, ils sont bretons. Mais ils sont bourrés, hein, je vous parle. Trimartolo, diarron, cralala, la la la la, trimartolo. Non, mais c'est honteux de dire que les chambretons sont moches. On devient fou tellement c'est chiant. Mais c'est bien les chansons bretonnes. Ah oui. J'ai un fiancé à Quimperlé. J'ai un fiancé à Quimperlé. Bah ça dépend qui chante, quoi. Quand c'est Nolwenn, c'est vachement mignon. Oh non. Dans les prisons de Nantes. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Dans les prisons de Nantes. Non, vous vous souvenez pas de celle-là. Comment ça se fait que vous connaissez des chansons bretonnes, vous, Madame Cordula? Bah non, je suis mon ami à côté, mes amis, je suis ouh, elle est solidaire. Je suis solidaire. Elle est solidaire, c'est bien. Je veux Saint-Paul et ses falaises, ses bénirs et son grand pardon. Mais j'aime mieux ma Paimpolaise qui m'attend au pays breton. Voilà. Ça, c'est beau. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. La jument de Michaud et son petit poulain sont en train dans le pré, on mangeait tout le foin. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra. La jument de Michaud, elle s'en repentira. Non, mais c'est bien, mais je préférais que vous chantiez ça façon Christina Cordula, Christophe. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. La jument de Michaud est un petit poulain. Quelle horreur. Là, c'est le vrai rire de Christina. Quelle horreur. Je vais demander mon indépendance. RTL, les grosses têtes de l'été. RTL Petit Matin. Bonjour, c'est Bérénice Bourgueil. Et n'oubliez pas, demain, on met tous notre réveil à 5h sur RTL. Au menu, des jeux, de la musique, de l'info et même des animaux. Bref, on va commencer la journée en s'amusant. Alors rendez-vous demain à 5h sur RTL. 5h, 6h30. Bérénice Bourgueil. RTL Petit Matin. Avec Laurent Deutsch, découvrez l'histoire d'un produit fabriqué par une entreprise locale et sélectionné par les magasins U de Poitou-Charentes. En Poitou-Charentes, les magasins U commercialisent le lait produit par l'association En Direct des Éleveurs. Un lait bleu blanc cœur, riche en oméga 3 et garanti sans OGM. En Direct des Éleveurs, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Pas d'intermédiaire et la garantie d'un prix juste pour les producteurs. Et en plus, leur emballage a été conçu pour avoir moins d'impact sur l'environnement. Bref, un lait qui est bon et qui a tout bon. U. Commerçant autrement. Le grand jeu RTL de l'été. Et on joue aujourd'hui avec Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Céline. Vous êtes à Nancy avec du soleil. Ah oui, c'est très chaud. Et de la chaleur, oui, il faut s'hydrater, on le rappelle, hein, avec de l'eau. On est bien d'accord Catherine. On est bien d'accord. Alors, Lucie au standard m'a dit que vous êtes militaire depuis 32 ans, ancienne parachutiste, donc grande sportive. C'est ça, oui, oui. Moi je suis en admiration. Avec l'âge, mais bon. Oui, mais bon, enfin, si vous voulez, par rapport à ce que je pratique comme sport, je pense que, voilà, à côté vous êtes une grande sportive, vu que je n'en d'accord, fais pas. D'accord, merci. Bon, vacances bientôt, quelques jours chez les parents, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, je descends 3 semaines chez mes parents dans le sud. D'ailleurs, je sais qu'ils m'écoutent, donc je leur fais de gros bisous. Eh ben, on les embrasse. Ils sont où dans le sud? Voilà. Ils sont à Florensac, un petit village à côté d'Agde. On embrasse les parents de Catherine. Alors, Catherine, vous êtes à l'antenne. Ça veut dire que vous repartez avec un cadeau. Maintenant, quel cadeau? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Alors, il y a à gagner aujourd'hui soit un robot cook expert de Magimix, soit un super voyage d'une semaine avec Eliad sur les traces du film Mamma Mia 2 qui sortira en salle demain. Mais pour ça, il faut choisir un animateur ou une animatrice. En l'occurrence, deux animatrices. À vous de choisir entre Laetitia Nallet, que vous retrouvez tous les soirs à 20h pour Quel est votre signe avec Christine Haas, ou Caroline Diamant, que vous retrouvez tous les jours à 9h15, aux côtés de Bruno Guillon dans le grand quiz de l'été. Alors Laetitia ou Caroline? Caroline. Caroline Diamant, écoutons ce qu'elle vous offre. Voici un cadeau qui me serait bien utile, car on ne peut pas dire que je sois un cordon bleu. Vous gagnez un robot multifonction Cook Expert de Magimix. Bravo Catherine, bravo. C'est super. Alors, je vous explique, parce que franchement, vous gagnez vraiment un super cadeau. C'est comme si vous aviez un cuisinier à la maison, finalement. Il fait tout. Le robot d'accord. Cook Expert Magimix, c'est vraiment le robot multifonction auto-cuiseur. Il va vous aider à préparer les bons petits plats. Il y a 1200 recettes si vous êtes pressé. Il y a ce qu'il faut, ça fait tout seul. C'est génial. Et ben c'est parfait. Et en plus, c'est vous, génial. Vous allez pouvoir découvrir tout ça sur l'application gratuite Magimix. Bravo en tout cas, Catherine. Merci beaucoup. Je vous embrasse et je vous souhaite un bel été aussi. À l'écoute d'RTL. Merci, au revoir, à bientôt. Merci, merci à vous et merci de votre fidélité. Et n'oubliez pas, le prochain rendez-vous avec le grand jeu de l'été RTL, c'est demain matin avant 9h. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Vous nous appelez au standard 3210 ou alors vous envoyez le mot été par SMS au 74 900. Bonne chance à tous. Le grand jeu RTL de l'été. RTL. après le grand jeu de l'été. Ce sont les grosses têtes de l'été avec Laurent Ruquier, les meilleurs moments. On repart en 2015, c'était le 3 juin dernier. Aux côtés de Laurent Ruquier, il y avait Pierre Bénichoux, Christine Ockrent ou encore Bernard Mabille. Voici une question maintenant, si vous le voulez bien, pour Stéphane Ouzé, qui habite, monsieur Ouzé, en Deville, dans l'Oise. Si vous avez lu Région PACA. Si vous avez lu Libération hier, vous saurez répondre à cette question, puisque vous aurez retenu que ce monsieur Louis Lafont, qui en 1844 à Villefranche-sur-Saône, eut le premier l'idée de la créer. Et c'est ensuite d'ailleurs son petit-fils Adolphe Lafont, qui en 1896 déposa le brevet de la marque. Mais de quoi s'agit-il ? Le bleu de travail. Les bleus de travail. La salopette. La salopette, très exactement. Ouais. Bonne réponse de Christine Ockrent. Enfin, Bernard n'était pas loin. On n'était pas loin. Non, mais je sais pourquoi elle n'était pas loin. Bah, rappelez-vous la publicité. Adolphe Lafont habille les gros. C'était la pub à l'époque. Non, mais, pardon, ça. Vous êtes fait avoir comme un bleu, mon cher Bernard. Ah, oui. Parce que c'est normal, il n'a pas la cote. Le bleu et la salopette, ce n'est pas pareil. Non, mais Lafont a créé, je vais dans le sens de mon ami. Le vêtement de travail. Le vêtement de travail. Oui, mais il a surtout créé la salopette et son petit-fils Adolphe Lafont, lui, a amélioré le bleu de travail que son père, ou plutôt son grand-père, Louis, avait créé. Il était propriétaire d'un magasin de textile à Villefranche-sur-Saône. Effectivement, il a été le premier à imaginer cette tenue avec une poche pour avoir les outils à portée de main, mais lui, Adolphe, son petit-fils, a eu la trouvaille de fixer cette poche sur une bavette tenue par des bretelles, et c'est donc le petit-fils qui a créé la salopette qui revient à la mode. Voilà pourquoi hier dans Libé, il y avait deux pages consacrées à la salopette qui a donc 170 ans. La salopette, elle est française. Alors, on nous a reparlé évidemment non seulement de Coluche, mais aussi de Lady Diana qui a porté très bien la salopette. Il y a une photo où on voit Lady Di dans son jardin. Ah portant... oui, c'était une vraie salopette. Béatrice Dalle dans 37 degrés 2 le matin, qui est très sexy dans sa salopette. Will Smith dans Le Prince de Bel-Air. On me montre à ce moment-là, on ne sait pas pourquoi, il y a toujours ce moment. Mais parce que je sais que vous êtes fan de cette série. Montez-moi 37 2 le matin, je préfère, mais Will Smith... Vous êtes le plus jeune. Attends, t'as pas une gueule de thermomètre. Et vous parce que Carlos portait des salopettes aussi, vous pouvez montrer à Bernard à ce moment-là. Charlie Chaplin, évidemment, dans les temps modernes. Moi, j'en ai jamais porté de salopette. Vous, oui, Péroni. Moi, oui. Voilà un cadeau à faire. Oui. Je suis pas sûr mais que ça irait. Mais la salopette de Manson avec la poche pour mettre les outils, là, on mettait la fiasque de whisky, là. Ah oui. Pierre Bénichoux, vous avez déjà porté la salopette? Non, merci. Non. C'est pas mal. Non, dans ma famille, on n'était pas ouvriers. Et puis, comme c'est un Adolphe qui a créé le truc, tu vois, sur Pierre, c'est pas ce qu'il préfère. Hein. Non, mais des salopettes, aujourd'hui, on en fait chez les grands créateurs. C'est ça qui est marrant. C'est super sexy sur Agnès une femme. Agnès B, par exemple, relance la salopette. Et vous avez des vedettes d'aujourd'hui qui en portent. Gwen Stefani, Christine Ockrent, vous avez déjà porté, vous, la salopette? Il y a très longtemps. Ah, c'est vrai. On adorerait voir la reine Christine en salopette. Oui. Ça peut être sexy. C'est très sexy. Regardez-vous avec vos bretelles, Pierre. Vous, vous portez très bien la bretelle. Oui, mais je porte tout très même bien. Même deux bretelles. Oui. Parce que tu peux la porter en écharpe. Ça suffit pas. Seule, ouais. Vous portez bien la bretelle. C'est rare dans ma skin, Laurent. Sinon, ça... Ça baillerait d'un côté. Il y a un côté Pierre Bellemare. On ne vous confond pas avec Pierre Bellemare quand on vous croit. Oui, comme toi aussi, quand on te voit, on dit Guy Lux. On est content. Vous n'aimez pas qu'on se moque de votre physique, Pierre? Pourtant, il y a de quoi dire. Hein. Regarde-moi ça, Alain Delon qui se moque. Et pour la suite de votre programme à l'écoute d'RTL, à 18h, vous avez rendez-vous avec toute l'actualité qui sera présentée par Vincent Parisot, RTL Soir. Et à 18h20, il recevra Maître Laurent-Franck Liénard, avocat d'Alexandre Benalla. Et pour le moment, retour des grosses têtes, les grosses têtes de l'été et Laurent Ruquier. C'était en 2017 avec entre autres Sophie Davant, Stevie Boulet ou encore Titoff. Qu'est-ce que t'as fait ? t'as dans les mirettes. Mais qu'est-ce que t'as ? Un sacré petit balmusette. Ça vous plaît pas ? Ah, c'est génial, Peter Benichou et Sloane. Il continue à chanter pendant la pub. Ah oui. Mais vous en avez d'autres ? Vous connaissez tout le répertoire de Montand ? Moi, je connais tout le répertoire de Montand. Moi aussi. Ouais. La la la, mine de rien, la voilà qui revient. La chansonnette. Elle avait disparu, le pavé de ma rue était tout bête. Nanana, nanana, le flanflan de Paris. Nanana, l'Orphéon, l'invention de Maquis. Mais on n'oublie jamais le refrain qui vous met le cœur en fête. Vous savez qu'il y a des gens qui écoutent, hein. Vous avez raison, Jean-Marie. Plus maintenant. Il y en a même certains qui réclament une blague. Une blague, une blague. Ah, c'est les deux mecs qui se rendent compte, ils ne sont pas vus depuis longtemps. Ils ont 65 balais. Ouais. Ils disent, ça va, comment toi ? Il dit, je ne sais pas, comment ça va sexuellement ? Bon, il dit, comme le coca. Il dit quoi ? Comment ça ? Comme le coca ? Ben, il dit ouais, avant c'était normal, après c'est devenu light, et puis maintenant c'est zéro. Une question pour Charlotte Lanehart, qui habite Grès-sur-Mer, dans le Calvados. Quelle est la particularité unique du département du Var ? Monaco, c'est pas dans le Var, si. Il y a une principauté. Ah, Monaco, c'est pas dans le Var. Non, mais c'est Monaco, mais non. Est-ce que c'est frontalier du Var ? Ça, ah, non, il y a la Côte d'Azur entre les deux. Les Alpes-Maritimes entre les deux. Ah, voilà, c'est les Alpes-Maritimes, je crois. Ouais. Voilà. Donc le Var. Ouais, non, c'est le Var, c'est 83 peine, déjà. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou ? Il donne trois réponses et les trois sont mauvaises. C'est la dernière fois que je l'emmène ici. Hein. Chaque fois, il me fait honte. Alors, dans le Var. C'est géographique ? Géographique, oui, bien sûr. C'est un département qui quadruple sa population l'été. Ça, ça va avec le nombre de... C'est vrai, mais c'est pas le seul. Je pense que les Alpes-Maritimes aussi, la Bretagne sûrement aussi. Est-ce que c'est lié aux autres départements qui sont autour du Var ? Je suis obligé de vous répondre indirectement, oui. Enfin, ne partez pas sur une mauvaise piste. Hein. C'est une question administrative ? Administrative, non. Géographique. Géographique, ah oui, je l'ai dit déjà, ouais. C'est géographique. Donc alors, il y a la mer et la montagne dans vous le même département, mais ça dans les Alpes-Maritimes aussi. Ah oui, il y a plein. Là, je répète la question, puisque vous semblez ne pas l'avoir comprise, et monsieur Stevie, en plus, le souhaite, et ses désirs sont des ordres. Quelle est la particularité unique du département du Var ? La météorologie ? Non. Est-ce que c'est un privilège que les Varois ont et que les autres n'ont pas ? Ont un privilège, non. C'est pas une histoire de fleuve ? C'est peut-être un département où il n'y a pas de fleuve ? Ah, on se rapproche. Il n'y a pas de rivière, si, forcément. Bravo, madame, d'avant, car vous brûlez. Ah. Il n'y a pas de... Ça s'appelle le Var, et pourtant, il n'y a pas de fleuve qui s'appelle le Var. Ça ne peut pas être une rivière. Vous avez quasiment la bonne réponse. La réponse, il n'y a pas de rivière, le Var. Tous les départements porte le nom d'un fleuve, sauf le Var. Une rivière. Non, tous les départements. Les Bouches-du-Rhône. Tous les départements. Les départements, leurs rivières qui portent leur nom. Vous avez quasi la bonne réponse, mais vous ne la donnez pas tout à fait. Oui, à la fois, ce n'est pas nous qui avons préparé la question. Non, parce qu'il n'y a pas... C'est un fait, je n'ai pas préparé la question, c'est un fait géographique. La rivière qui porte le nom du Var ne coule pas dans le département du Var. Exactement. Bien sûr que le Var, ça existe, le fleuve ou la rivière, le Var. Mais le Var est le seul département qui porte le nom d'un fleuve qui ne le traverse pas. Bonne réponse de Sophie Davant. Ah oui. Vous me disiez, il n'y a pas de Var. Si, il y a un Var. Si, mais le Var, il traverse les Alpes de Haute-Provence et il traverse les Alpes-Maritimes. Mais le Var ne traverse pas, bizarrement, le Var. Ouais. Ah ouais, voilà vrai. L'unique particularité du département, le Var. C'est intéressant. Alors que moi, la Sarthe, elle passe chez moi au Mans. Oui, mais je vous en pose des questions. On s'en fout. Monsieur Bénichou, vous auriez dû le savoir, ça, quand même. Ben oui, je sais bien, mais depuis que je connais Stevie, je ne m'intéresse qu'à la Sarthe. La Sarthe, c'est un beau fleuve. Hein. Ah, c'est une belle rivière. Oh putain. Moi, je dis un fleuve, moi. Ah non, c'est une rivière. On pourrait passer fleuve hein, si on était plus marrant. Un fleuve se jette dans la mer. Alors justement, est-ce que se jette dans la mer, ça vous semble pas une expression absolument impropre ? Se jeter, c'est une volonté. Ouais. Tu vois un fleuve qui dit tiens, j'en ai marre, je vais me jeter dans la mer. RTL. Première radio de France. Bonne soirée.